les champions, putain. On est les champions. Non mais tu le crois ça? On est les champions. Non mais c'est fou. Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Et bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill, c'est l'émission 26 de cette saison 4 et nous sommes le lundi 18 mars 2019 évidemment. Ce soir, nos chroniqueurs, je vais commencer par ça, il y a Romain et Quentin à ma droite. Bonsoir messieurs. Et bonsoir à toi. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, très on bien. On dirait que t'as une écharpe de Noël, mais c'est juste l'écharpe du Pays de Galles. Ouais, ça m'a été demandé aujourd'hui, c'est l'écharpe des vainqueurs du tournoi Destination, les Gallois. Revient tout juste de Cardiff. C'est vrai que j'ai déjà oublié cette écharpe. Non, elle vient de là-bas, mais ça date d'il y a quelques petites années. Guillaume est avec nous également. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous. Et le nouveau, évidemment, de cette soirée. Il aime bien le rugby, hein, surtout la NBA, mais d'autres sports. On verra ça dans les émissions à venir. C'est Jules. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ouais, super. Petite première rookie, à la radio, mais... Petit rookie aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai que petit rookie, là, on peut le dire. Donc ce soir, on va parler, la Champions League des Six Nations, évidemment, du tennis à Indian Wells qui s'est terminé, des sports d'hiver en bref, entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup de sports d'hiver, la Formule 1 également, les bilans du sport montpellierain avec un beau bilan, même s'il y a une belle défaite du côté du MHB malheureusement. Le débat de la semaine sur le cyclisme, on va parler un peu de cette saison 2019 de cyclisme qui se présente avec notamment l'une des premières classiques qui arrive bientôt, donc c'est cette semaine d'ailleurs, Milan-San Remo, avec la Primavera comme on l'appelle. La parole au Tuchilor, on parlera de Formule 1, des nouvelles règles instaurées cette année qui déplaisent fortement. Ou non instaurées, qui déplaisent fortement à Guillaume. Ouais. Et avec un quiz spécial sur les classicos en football ce soir. Voilà un peu le programme et sans plus tarder, on passe aux résultats. Sport & Chill, les résultats. Guillaume me demandait pour le tennis, on va commencer de suite. Normalement, c'est Tim qui devait nous le faire, il n'est malheureusement pas là. Donc, j'ai pas de résumé sur sur Indian Wells, malheureusement. Je sais juste, en effet, que Roger Federer s'est incliné en finale en 3-7, donc 2-7-1 pour Dominic Thiem, l'Autrichien. Une défaite qui fait mal aux supporters de Roger. Ouais. Mais qui était surtout une semaine qui était mouvementée par la sortie de Djokovic également assez serait prématurément dans le tournoi. Et un nouveau titre pour comment dire, entre guillemets, le jeune team qui n'est plus jeune maintenant. Il est plus très jeune, hein. Qui essaye de glaner quelques titres. Et je sais pas, peut-être une réaction sur ça avant de passer juste aux féminines. J'ai vu la finale. Federer, je pensais qu'il allait gagner tranquillement après son premier set bien maîtrisé. Et puis, je sais pas si c'est le poids des ans ou quoi, mais il a un peu perdu son tennis et Dominic Thiem s'est engouffré dans la brèche. C'est largement mérité sur le match, c'est largement mérité. En tout cas, à partir du deuxième set, c'est mérité. Et Federer, c'est dommage. Je pensais avant le tournoi que ce serait compliqué de gagner celui-là, mais c'était quand même l'occasion rêvée. Il n'y avait plus Nadal, il n'y avait plus Djokovic. Bon, là, sur la route des 109, on doutait du fait qu'il aille remporter ce titre. Après, à partir du moment où il était en finale, contre Dominic Thiem, en plus, en n'ayant pas, c'est une précision quand même à donner, joué la demi-finale, demi-finale qui aurait pu être à nouveau légendaire contre Rafa Nadal pour cause de blessure pour l'Espagnol, peu de monde, je pense, le voyait ne pas aller chercher ce 101e titre à Indian Wells sur la dynamique. Et il est tombé, effectivement, après un premier set maîtrisé, comme tu disais, Guillaume, sur un os. Dominic Thiem, qui a réalisé un superbe tournoi, il faut le dire. Superbe tournoi sur dur, lui qui est quand même plus spécialiste de terre battue et qui a fait la plupart de ses faits d'armes sur cette surface et qui a été très bon tout au long de ce tournoi d'Indian Wells et qui mérite son titre. Et d'ailleurs, j'ai pu noter, bon, ça c'est plus anecdotique, mais que Dominic Thiem, doublé de fait Roger avec cette victoire à Indian Wells, c'est désormais quatrième mondial. Et Federer cinquième. Ah oui, il est quand même redescendu, Roger. Après, en même temps, il fait pas tout. Federer tous les tournois. C'est l'année dernière qui double Indian Wells et Miami ou 2017 Non, c'est pas l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière, ouais. John Wall, déjà, c'est Joko qui l'avait gagné. Ouais, c'est vrai, ouais. Après, Roger, par contre, a l'air d'être vraiment sur une bonne dynamique malgré tout et très motivé dans la perspective du tournoi de Miami. Et a expliqué, j'ai pu le voir en interview, qu'au-delà de la défaite contre Dominic Thiem, bon, au fil de sa carrière, il est habitué. Voilà, on gagne des matchs, on perd des finales, ça peut aussi arriver et que ça remettait rien en cause le concernant et qu'il espérait bien figurer à nouveau du côté de Miami et que Dominic Thiem ouais. a hérité son titre. Chez les féminines, c'est une surprise cette fois-ci. C'est Bianca Andreescu, non pas une Roumaine, mais une Canadienne. Comme son nom l'indique. Face à Angelique Kerber qui a gagné 2-7-1, donc 6-4, 3-6, 6-4. Une surprise alors qu'elle a 18 ans, si je ne me trompe pas. Mmh. Corentin, tu m'avais confirmé ça avant l'émission. Est-ce que c'est une nouvelle joueuse dans le circuit mondial féminin ou est-ce que c'est juste le coup d'un tournoi? Ben, on peut pas savoir encore parce que là, c'est que son premier tournoi où elle brille. Mais je vais attendre un peu quand même parce qu'on a plusieurs contre-exemples de joueuses qui ont brillé même dans des très grands tournois. Par exemple, Eugénie Bouchard qui fait demi-finale à l'Open d'Australie. Ouais, canadien aussi. Qui fait demi-finale à l'Open d'Australie, finale Wimbledon et qui depuis a complètement disparu. Qui a voulu faire top model tout simplement. Voilà. Kournikova. Kournikova. Ouais. Ouais, une Kournikova dans le milieu. Il y a qui d'autre? Il y a Belinda Bencic qui là revient. Elle a fait un beau tournoi, mais voilà, qu'on voyait. On avait les plus grosses attentes. Ouais. Qu'on a voyé top 10 très vite et qui a un peu coulé. On va attendre, mais elle a un potentiel. Elle fait partie cette génération de joueuses qui tapent fort. Mmh. Et aller chercher Kerber en 3-7 et le faire contre sur le tournoi, c'est assez remarquable. Petit point sur juste les Français. Chez les féminines, ça s'est terminé très tôt. Chez les masculins, il y a mon fils qui est arrivé en quart de finale, si je ne me trompe pas. Donc c'est peut-être la meilleure performance. Donc c'est la meilleure performance française. Qui a dû abandonner, non? Il a dû abandonner. Qui a dû abandonner. Entre team. Ouais. D'ailleurs, même comme Nadal, d'ailleurs, qui a abandonné et qui ne fera pas Miami, a priori. Voilà pour ce point tennis. Désolé, on attendait notre expert. Il n'est pas là. Il commence un nouveau travail. Donc, il est tout excusé, cette fois-ci. Il est tout excusé, en effet. On va passer aux Six Nations cette fois-ci. On va parler en trois parties. Donc, on va parler du titre du Pays de Galles, forcément, du match Italie-France et aussi des autres matchs des Six Nations pour nos Français et Françaises. Belle dissertation à venir. Oui, en effet. Alors là, je peux te dire que j'ai la mémoire sous les yeux. Donc, le titre de Six Nations se jouait entre l'Irlande, l'Angleterre et le Pays de Galles. Donc, ce week-end, le Pays de Galles qui s'est d'ailleurs imposé avec le Grand Chelem. Donc 5 victoires à la clé. Donc le Pays de Galles a pris son destin entre ses mains en s'imposant contre l'Irlande avec une victoire nette et sans bavure, on peut le dire, 25-7 face à une Irlande tout de même vaillante. Voilà où est l'exploit pour les Gallois, c'est le fait d'avoir jamais abandonné son tournoi face à une Irlande qui était tout de même quand même sur des gros matchs quoi, encore. Pas une Irlande affaiblie. Quoi. Une Irlande qui a été sur une très belle dynamique jusqu'au tournoi, qu'on faisait un des favoris, si ce n'est le favori. Ouais, ils ont un peu marqué le pas sur le tournoi. Ouais. Et justement, effectivement, je sais pas ce que tu en penses, Jules, mais sur les deux matchs justement où ils étaient les plus attendus, ils ont eu beaucoup plus de difficultés contre l'Angleterre et contre le Pays de Galles. Ouais, c'est ça. Les sacrées oppositions. Aussi. Ouais, moi je pense que c'est plutôt dû à la fatigue. Ils ont fait une grosse année l'an passé. Et là, ils ont eu quelques blessés à des postes clés. Et après, la fatigue aussi, on a eu le Pays de Galles qui revient fort cette année. Plein de confiance. Donc, victoire logique, je pense, des Gallois. Même si on peut avoir quelques regrets côté français. Ouais. On voit qu'on les menait 16-0 en première journée à la mi-temps. Derrière le tournoi, paradoxalement, on est les seuls à les avoir fait douter. C'est ça. Et ça aurait pu changer, la phase du tournoi français, un succès contre les Gallois d'entrée. Je salue d'ailleurs Rémi, un supporter catalan de l'USAP, qui avait dit que si les Gallois gagnaient contre les Français, ils iraient au bout avec le grand chelem à clé. Voilà. C'est confirmé. Et superbe victoire qui clôt aussi l'ère Warren Gatland dans l'histoire du tournoi. Je suis né, il était déjà au Pays de Galles, hein, ce mec. Il est arrivé en 2007. Ça en donne l'impression, en tout cas pour beaucoup de gens. Comme Halloween Johnson. de notre génération qui ont mais découvert le rugby dans ces années-là, ou en tout cas qui l'ont suivi en plein période, tu fais bien de le dire, 2007 en plus, où la Coupe du Monde était en France, donc il y a eu un boom autour du rugby à ce moment-là. Et Warren Gatland, entraîneur néo-zélandais d'une superbe génération galloise, mais j'irais plus loin que là, un vrai tacticien parce qu'il y a eu plusieurs générations, et que là, alors qu'on avait l'impression, en tout cas pour ma part, d'être face à une génération un petit peu plus faible, en tout cas techniquement, c'est ça, il réalise encore une magnifique performance avec notamment deux joueurs qui m'ont marqué côté gallois, Parks en 12 et également l'ailier néo-zélandais d'origine, Parks, qu'ils ont su aller chercher à Clanuckley et qui a vraiment fait des gros matchs pendant ce tournoi. On va peut-être parler de l'autre match. Bon, certes, c'était le match du titre dans ce qu'on vient de parler, mais l'autre match était quand même très exceptionnel parce que plus tard dans la soirée, le match du tournoi. Donc ça c'est sûr, le match peut-être de cette décennie, pourquoi pas, entre l'Angleterre et l'Écosse avec un match nul 38-38, mais la physionomie du match était unique. L'Angleterre s'imposait 31-7 à la mi-temps face à une Écosse bien faiblarde, et puis un quart d'heure a suffi à l'Écosse en seconde mi-temps pour refaire son retard et recoller à 31 partout. L'Écosse était même en tête à la fin du match 38-31 avant que l'Anglais George Ford nuge de son vice de numéro 9 pour 10. Numéro 10 pardon, pour aller arracher le nul à la toute dernière minute, et du coup ce qui fait que l'Angleterre reste deuxième et l'Irlande troisième. Un match spectaculaire, surtout face à deux équipes qui se détestent tout de même, entre l'Angleterre et l'Écosse. C'était peut-être l'un des matchs de la décennie dans les Six Nations. Un match passionnant pour les Français également. Je vais plutôt laisser Jules réagir, mais ouais, je salue juste, j'en profite, pour la vanne Yacine qui m'a avoué qu'il s'est reposé après la mi-temps et qu'il a raté sans doute une des plus belles mi-temps de rugby du tournoi des Six Nations sur ces dernières années. Ouais, parce que la première, 31-0. Moi, je me suis arrêté à la mi-temps. C'est vrai qu'à 31-0, on pouvait se dire que c'était plié. Moi, j'ai eu une autre chance là-dessus pour avant d'enchaîner. C'est qu'à l'inverse, j'ai pas pu regarder la première mi-temps. Je suis arrivé au creux de cette seconde mi-temps vers la 50e minute, et là, j'étais comme un fou jusqu'à la fin de ce match. Match exceptionnel, Jules. C'est sûr qu'avec le match de l'après-midi, Italie-France qu'on a pu voir, les deux matchs de l'après-midi, les deux matchs ensuite, c'est pas le même niveau. On voit le retard qu'on a. Pas le même sport non plus. C'est ça. Comme je dis, c'est la gambardella, mais on passe maintenant en pro. Au niveau de l'intensité, de tout ce qui est technique, physique, ça, tout va plus vite. Et on se rend compte du travail qui reste à faire pour pouvoir rivaliser avec ces nations-là. Est-ce que toi aussi tu étais du côté écossais à ce moment-là à la fin? Les Anglais, je pense qu'on préfère tous les Écossais aux Anglais ici. Ils se sont vus un petit peu trop beaux, je pense, à 31-0. Et je pense que ça leur fait du bien, une petite piqûre de rappel comme ça. Ouais. Attention par contre à la piqûre de rappel qu'ils auront déjà eue avant le mondial. Est-ce que ça peut conditionner justement, moi je me disais avant la mi-temps, quand il y avait un score lourd pour l'Angleterre, enfin pour l'Écosse pardon, je me suis dit ce genre de match ça peut conditionner pour la prochaine Coupe du Monde pour l'Écosse. On se dit ouais, on finit un tournoi très mal, et là chercher quand même quasiment un exploit en Angleterre, ça peut conditionner une Coupe du Monde pour l'Écosse. Je pense pour les deux nations. On va se centrer sur l'Écosse, mais je le disais pour l'Angleterre parce qu'ils auront eu leur piqûre de rappel. Et pour l'Écosse, moi je suis toujours un peu mal à l'aise avec cette équipe qui produit un jeu magnifique. Ah ouais, depuis des années. Qui a proposé sur ce tournoi un magnifique talonneur aussi, auteur d'une percée McInally. Incroyable. McInally, capitaine de cette équipe écossaise, mais qui a souvent du mal à conclure et gagner les matchs. Bon là, vu d'où ils reviennent, bon des petits regrets, mais bon, je pense qu'on va retenir leur super seconde mi-temps. Après voilà, j'ai toujours l'impression qu'avec cette équipe il y a une chance pour nous téléspectateurs et passionnés de rugby, on va se régaler parce que cette équipe fait un jeu magnifique à l'inverse de l'équipe de France, mais a du mal à gagner les matchs, à aller chercher les victoires importantes, et pour la Coupe du Monde ça peut peser. On se rappelle d'ailleurs à la dernière Coupe du Monde là contre l'Australie. Il y avait une polémique d'ailleurs à la fin sur cette dernière pénalité là, et je me rappelle, pour avoir des amis écossais, je me rappelle que ils me disaient c'est un peu l'Écosse résumée en un seul match, c'est-à-dire que on crée un exploit mais on ne le fait pas à la fin. Enfin, c'est un peu le beautiful loser, quoi. C'est d'ailleurs pareil en foot, où ils font souvent le parallèle est vraiment parfait, quoi. Mais après, cette Écosse a vraiment progressé avec Thompson, je trouve. C'est ça. Bah, au début des années 2010, là où le rugby français était un peu plus haut, on arrivait à les battre. Ils envoyaient du jeu, mais on les battait toujours à la fin. Et là, on voit que depuis quelques temps, c'est nous vraiment qui avons régressé. Et on voit que faire du jeu, ça a vraiment son importance au niveau international. Et même si on les aura battus, on va faire le pont d'ailleurs avec l'équipe de France, je pense, parce qu'on va en parler maintenant. Mais juste je le signale, joueurs d'ailleurs qui n'ont pas joué contre nous, ils ont eux des joueurs de classe mondiale, hein, il faut le dire, à l'image de Finn Russell ou encore Stuart Hogg, même si on l'a pas vu. C'est vrai quoi, ils ont des blessés, Mamu Jones au centre qui n'était pas là. Ouais, parce que pas sûr que tu les battes avec leur équipe type. Ouais. J'ai des gros doutes. Donc on va parler justement de l'équipe de France, Italie-France, victoire difficile encore une fois des Bleus face à la Squadra Azzurra, 25-14, une victoire sauvée par un essai de dernière minute des Français, et un essai refusé aussi juste avant des Italiens, qui méritaient pourtant mieux quand même les Italiens, au score au moins. Tandis que l'Italie prend la cuillère de bois avec 0 points, la France prend la 4ème place avec 10 points. Très concrètement, donc, les jeunes ont été tout de même les seuls motifs quasiment de satisfaction durant ce 6 nations. Doit-on partir avec une équipe de jeunes à cette Coupe du Monde ? Et est-ce qu'on doit garder les anciens ? Et si on doit garder les anciens, qui ? Après, ça, c'est le dilemme. Soit on veut viser une bonne place, on aurait pu mettre Parra et Camille Lopez à la mêlée et à l'ouverture. Ben après, ils ont eu quelques petits problèmes avec Jacques Brunel. Ouais. Du coup, on a vu une petite polémique sur la fin avec Camille Lopez qui rentre pour 4 secondes. C'était un peu honteux quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, avec les propos qu'ils ont eus, je pense que Brunel les a un peu punis. Mais lancer des jeunes, c'est pas mal. Après, il faut voir si on peut les garder. En 2008, on avait lancé Parra Trinduc. On l'a gardé jusqu'à la Coupe du Monde 2011, où on a un peu basculé tout ça et fait passer Parra en 10 et avec des problèmes par la suite. Donc ça, c'est ce que les Anglais, même les Gallois, les autres équipes savent bien faire, même les Irlandais qui gardent des charnières pendant des années, et que nous, on n'arrive vraiment pas à faire en France. C'est tout le temps le problème de la charnière, donc on change tout le temps les charnières, et d'ailleurs, on ne peut pas progresser. Mais par contre, effectivement, on a vu émerger certains jeunes joueurs, à l'image d'Entamac qui a fini par être titulaire à l'ouverture. Je pense qu'il y a des joueurs sur lesquels il faut s'appuyer, en tout cas qu'il faut amener au Japon à la prochaine Coupe du Monde et faire jouer le plus possible. Entamac sans doute, Thomas Ramos, je pense encore à d'autres joueurs comme Arthur Ituria ou Damien Penaud, pour citer cette fois-ci des Clermontois. Damien Penaud, d'ailleurs, pour moi, la satisfaction de ce match contre l'Italie, au-delà de son essai assez salvateur en fin de match. Après, effectivement, on peut toujours se poser des questions parce qu'on cherche cet équilibre et qui est assez logique pour une normalement, en tout cas, grande nation du rugby entre expérience et jeunes joueurs, équipe qu'on a des difficultés à trouver. Et en prime, je trouve qu'on a certains cadres qui ont l'air quand même assez émoussés, épuisés, mais tant physiquement que mentalement au sein de cette équipe. Et c'est vrai que de ce côté-là, pour Jacques Brunel, hein, que je tiens pas dans mon cœur pour tous ses choix, mais j'ai conscience que la tâche et les choix vont être assez difficiles d'ici à la Coupe du Monde, savoir quel choix faire, qui mettre sur la touche ou non, justement à l'image, pourquoi pas, j'en sais rien. Guirado, j'y crois pas parce que c'est quand même le capitaine de cette équipe, et justement il y a eu à un moment une polémique avec Simon et Brunel et tous les joueurs visiblement ils se sont mis derrière Guirado, les joueurs, donc ils doivent faire l'unanimité dans le vestiaire, à mon avis. Je pense que d'ailleurs le staff a perdu le vestiaire. Ça va être de l'autogestion. Je sais pas si vous avez vu. Ça va être de l'autogestion comme en 2011. Vous avez vu la conférence de presse de Brunel après, avec une chose qui s'est passée qui était assez surprenante. Ah oui. Où on a demandé. Il parlait des charnières qui ne devaient pas être justement changées. Parce que c'est l'équilibre d'une équipe ou quoi que ce soit. Et il y a un journaliste qui lui rétorque, bah oui, mais c'est ce que vous avez fait, vous. Changer votre charnière en début du tournoi. Et il a dit, ah oui, mais c'est un contexte particulier, hein, vous me la mettrez. Et ça s'est terminé comme ça. Il a raison, vu les déclarations de Lopez après. Mais. En tout cas, oui. C'est là où on voit que. En tout cas, il était vraiment mal à l'aise. Ah oui, il y a vraiment du. Il s'en sort un peu avec son explication et le contexte, oui. Vous me l'accorderez, dis-moi. Voilà. Ça peut s'entendre, à la grande limite, mais il était vraiment très mal à l'aise et je pense que c'était pas ça le fruit de sa réflexion. Mais des choix vont être faits, c'est certain, peut-être concernant Lopez, peut-être concernant Bastaro, même s'il a été titulaire contre l'Italie, ou encore Sébastien Vahamaina, par exemple, titulaire assez en puissance lors des premiers matchs, mais qui est même sorti du groupe pour le match contre. Ouais, qui était même vice-capitaine au début du tournoi et qu'au final, avec ses prestations, il a été sorti petit à petit. Et ce qui montre aussi qu'on n'a toujours pas de stabilité, malheureusement, dans cette équipe. On va parler des autres équipes de France. J'ai marqué chez les féminines, les moins de 20 ans, c'est la même place de dauphin. Comme quoi, j'avais anticipé la victoire de l'équipe de France féminine face à l'Italie. La défaite de l'équipe de France. Bah, j'avais anticipé la victoire, mais en fait, il n'y a pas de victoire. Ah, d'accord, excuse-moi. Oui, mais c'est chez les moins de 20 ans, c'est bien une place de dauphin. Donc, la France termine deuxième à donc 17 points, mais très loin de l'Irlande qui est première. Donc, Caracol à 26 points à la fin de cette nation chez les moins de 20 ans. Incroyable. Une défaite... des Français, très serré de 35 à 31 contre. Non, une victoire très serrée J'ai mis une défaite-victoire. Alors, vous me l'expliquerez. Tu choisis. Donc les Bleus ont gagné. Hein. Les Bleus ont gagné, pardon. 35-31 contre les Italiens. Ils se sont fait un peu rattraper sur la fin, mais globalement, ils ont maîtrisé ouais. le match en Italie. Puis ils ont fini une belle compétition quand même pour les voilà, 20. Il restait pas mal de joueurs de la génération champion du monde. Donc après, sur la fin, ils ont essayé d'en lancer de nouveau en laissant les Carbonel, Joseph dans leur club. C'est ce que j'allais dire. Pour préparer leur groupe pour la Coupe du Monde qui va arriver. Et du coup, chez les féminines, c'est pas la même configuration. Du coup, ils sont pas deuxième, ils sont troisième maintenant, les Françaises, après avoir perdu assez lourdement tout de même, 31-12 en Italie. Donc, assez surprenant de voir nos Françaises perdre. Assez incompréhensible pour moi, oui. Moi aussi, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu le score. Je pense qu'elles ont dû le prendre un peu à la légère. Je ne sais pas si le staff avait fait des changements, mais... Et tournoi très irrégulier, parce que certes, elles perdent contre l'Angleterre, mais qui est clairement une des meilleures équipes au monde en rugby féminin. L'Angleterre qui a gagné les 6 nations, et avec une belle victoire 80-0 contre l'Écosse ce week-end. Donc, j'irais du foot féminin aussi. Tranquillement. mais alors que justement, cette équipe de France a écrasé en ouverture le Pays de Galles à Montpellier, a gagné de manière probante en Irlande, a gagné aussi en Écosse. On recevait l'Écosse à Lille en 45 points. Je crois que ça a fini avec 45 points. Donc ouais, c'est assez surprenant pour ces féminines qui avaient battu les Blacks pendant la tournée de novembre. Et où on a certaines joueuses considérées comme les meilleures au monde, comme Safia Ndiaye, Caroline Boujard, pour citer nos Romain Ménager. Juste pour les mots. Très bien pour ce... Ah, un peu de chauvinisme. Ce point rugby, c'est d'ailleurs terminé Destination. On ne parlera plus Destination cette année. On reparlera du coup de la Pro D2 parce que c'est la vraie compétition. on va passer à nos sports d'hiver. On va bientôt plus en parler également. Peut-être c'est la dernière semaine, voire l'avant-dernière semaine, puisqu'il restera peut-être une semaine dans certains... C'est clairement la dernière de cette manière-là. Ouais. Après, ça viendra peut-être dans les autres sports. En bref. Non, pas de lobby. Même à l'antenne, tu vois. Mais oui, effectivement, les sports d'hiver, fin de saison à venir, pas surprenant. Hein, nous sommes courant mars avec deux sports dont on va parler spécifiquement ce soir. Tout d'abord le biathlon, sachant qu'on avait la fin des championnats du monde d'Östersund avec plusieurs relais, l'individuel homme-femme et les deux mastarts. Et semaine assez contrastée pour notre équipe de France, assez faible par rapport à ce à quoi ils sont habitués. Ouais, ouais. Je vais pas dire pourri parce que on va y revenir très vite. C'est en dessous de ce qu'ils visaient. C'est ça, c'est en dessous de ce qu'ils visaient. Après, il y a quelques médailles, donc c'est compliqué de juste s'arrêter au fait que le bilan est pas bon. Après, c'est sûr qu'il est très décevant par rapport à ce qu'on a montré dans les dernières saisons et notamment par rapport à ce qu'on a même montré cette année d'un point de vue collectif, même si on a beaucoup parlé et on va essayer d'éviter de le faire ce soir, hormis sur une de mes questions de Martin Fourcade qui a fait une saison plutôt blanche. Concernant les paires françaises, donc médaille de bronze pour Justine Brezaz. Celle-là, on ne la voyait pas venir. Pour la Savoyarde, sur l'individuel dominé par la Suédoise Anna Öberg. Et les autres médailles, on s'était quitté sur les deux médailles de bronze de Quentin Fillon-Maillet sur le sprint et la poursuite la semaine dernière. Et en clôture, donc c'était pour avoir un peu de joie quand même pour terminer ces mondiaux, la belle médaille d'argent, on peut le dire, d'Antonin Guigona qui lui confirme cette saison. Première médaille d'argent sur des mondiaux pour celui-ci. Derrière, la surprise, Dominique Windisch dans une course très très particulière où les conditions ont beaucoup joué. Johannes Bö a fait 5 fautes sur le dernier tir. À l'image aussi de Garanichev qui était avec lui, le russe qui fait 4 fautes aussi. Donc effectivement. Ah, les bookmakers, ils ont dû être contents là. Il y a des bonnes défaillances quand même chez les Bilans. Bilan assez étrange, pour, notamment pour les Français. Des défaillances aussi tout au long de la semaine pour beaucoup de champions. Ça doit faire un moment. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais bon, ça fait du coup, je les compte, ça nous fait 4 médailles. De gros échecs sur les relais, où on est passé totalement au travers sur l'ensemble des relais. 0 médaille pour Martin Fourcade, ça faisait bien longtemps aussi que c'était pas arrivé. Et certains Français qu'on aurait aimé voir sur la boîte, Simon Détieux, ou en tout cas sur la plus haute marche pour Guigona et Fillon Maillet. Qu'en pensez-vous, messieurs? La question que j'allais poser, c'est ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de médaille d'or? Entre Raphaël Poiré, entre les autres, j'ai plus les noms, mais Vincent G, tout ça. De Frane aussi. Oui. J'ai pas la statistique, mais c'est clair que ça remonte. Hein. Martin Fourcade, c'est rien que lui. Il est médaillé d'or sur quasiment tous les mondiaux depuis presque le début de sa carrière, les 10 dernières années. Donc effectivement, ça fait bien longtemps que c'est arrivé. Et puis on a aussi chez les féminines un véritable creux, alors qu'on a été habitué à une belle époque avec Marie Dorin, même Anaïs Bescon qui a été malade tout au long de la semaine, qui n'a pas Sandrine participé. Bailly, et Sandrine Bailly à l'époque, tu fais bien de le dire, et on peut voir que nos féminines ne répondent pas présents en ce moment. Elles sont plutôt performantes sur les skis, mais ça ne suffit pas, hein, le biathlon, le tir est très important. 2009 pour ton... Et sur la Mass Start qui est remportée, ça me permet de le dire, par Dorothea Wehrer qui reprend la tête du classement général de la Coupe du Monde pour l'italienne. C'est 15e place pour Brezaz, 20e je crois pour Célia Aymonier, avec 14 sur 20 au tir pour les deux. C'est bien trop faible pour espérer une médaille. C'est tout à fait clair. Assez décevant. Et puis Johannes Bö, beaucoup moins touchable cette semaine, par contre. Des conditions difficiles. Ce qui a permis quelques surprises avec les. Ouais, sur les skis, il est impressionnant. Il prend, sur l'individuel, je crois qu'il fait deux fautes de plus et il finit quand même à moins d'une minute. Après, comme au JO, comme au Mondiaux comme au JO, généralement c'est quand même une autre course, tout de même que la saison régulière en biathlon. Oui, parce qu'il y a toutes toutes les courses en fait. Ouais. Sur un week-end de Coupe du Monde, il y a 2-3 courses, Mass Start, poursuite, sprint, généralement. Enfin, poursuite, sprint, oui. Après, c'est Mass Start ou individuel ou quelque chose comme ça. Là, sur les championnats ou quoi, tu peux avoir 7 courses, c'est une gestion différente, des objectifs différents, donc c'est... À l'image de Martin Fourcade lui-même, qui lors des Jeux Olympiques l'année dernière a bien vu que bon, il a déjà fait un parcours exceptionnel, mais qu'il est difficile d'aller chercher des médailles et de l'or sur toutes les disciplines. Donc effectivement, des surprises chez les hommes, je donne ces deux-là. Effectivement, Pfeiffer qui a gagné l'allemand l'individuel et Windisch donc hier pour la Mass Start. Donc super week-end pour terminer pour les Italiens qui ont remporté chez les féminines et chez les hommes, donc Wehrer et Windisch. Je passe du coup au ski alpin où on avait les finales. Donc là, c'est la dernière fois qu'on parle de ski alpin ce soir. Les finales qui étaient du côté d'Andorre à Soldeu et qui s'est conclue par un très beau week-end pour nos Français. Je sens que Guillaume a un petit sourire et qui sait ma satisfaction, sachant que Nos Français se sont régalés à Soldeu samedi et dimanche. Victoire samedi d'Alexis Pinturo sur le géant, qui devant Marco, connais pas, devant Marco Odermatt. Donc belle victoire. Et Zan Kranjec, et victoire de Clément Noël, qui confirme aussi. Là on parle d'un troisième victoire. Troisième victoire de la saison, troisième de sa carrière, deuxième du classement général du slalom cette saison derrière le maître Marcel Hirscher. Magnifique. Qui s'impose devant Manuel Feller et Daniel Yul. Donc très belle victoire pour le français. Dans les autres courses, Schifrin a fait le plein, elle remporte quasiment tous les globes. Seule la descente remportée par Schmidhofer lui aura échappé, mais parce que tout simplement elle ne concourt pas dans cette discipline. Alexis Pinturo finit 3e du classement général de la Coupe du Monde. Et donc mes questions sur les Français. Mais tiens, Clément Noël, au vu de ses performances à Wengen, Kitzbühel et Soldeu, et finalement tout au long de la semaine, Clément Noël est-il d'ores et déjà le présent de l'équipe de France de slalom pour la saison 2020? Et quelles attentes faire porter sur lui pour la saison prochaine, justement? Bah déjà, sur le palmarès, on ne peut pas dire qu'il ne fait pas partie du présent, parce qu'actuellement, c'est quand même une shortlist, hein, tout de même, dans l'équipe de France, de ski, autant chez les hommes que chez les femmes. Après, attendre de lui l'année prochaine, moi, je serais plutôt raisonnable avec lui, sachant que cette année, il a quand même fait de grosses performances, et tout simplement de confirmer sur là, ou peut-être pas sur les courses où il a gagné, mais faire d'autres performances de ce même acabit. C'est beau. Après, joli, bon. Après ouais. Il n'a que 21 ans, donc il faut lui laisser le temps. Moi, je pensais déjà très bien qu'il soit à ce niveau maintenant. Je pense qu'il peut encore grandement progresser. Pourquoi pas dominer la discipline, on lui souhaite en tout cas dans les années à venir. Mais je pense que s'il n'y a pas de problème physique, parce qu'on sait que le ski c'est dangereux pour les genoux. Mmh. Ah bon? Ouais, il paraît. Donc s'il n'y a pas de grosses blessures donc s'il n'y a pas de blessures de ce genre-là, il n'y a pas de raison qu'il ne confirme pas, quoi. En tout cas, c'est vraiment l'année d'un changement de génération. Julien Liseroux et Jean-Baptiste Grange étaient encore là cette année. Et Clément Noël semble véritablement prendre le flambeau dans cette discipline, sachant que je le répète, Pinturo est surtout un spécialiste du géant et un skieur polyvalent, moins performant quand même en slalom. Et Clément Noël a vraiment une technique assez incroyable. Et il faut revoir sa première manche, qui est peut-être même la meilleure pour conclure la saison de sa carrière, qui fait à Soldeu et où il l'envoie toute la concurrence très loin. Christophersen et Pinturo et Hirscher à plus d'une seconde 40. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et il fait la différence sur, sur quelques portes. Donc cette saison marque donc également la fin d'une époque, ski alpin français, je vous le disais. Grange, Liseroux effectivement en retrait, mais aussi, je tenais à le saluer ce soir, Johan Claret et Thomas Fanara, qui prennent leur retraite de bons skieurs, de très bons skieurs du ski français. Fanara malheureusement qui sort sur la manche de géant, mais qui a eu droit à un bel hommage mérité du côté de Soldeu. En très bref sur les autres résultats notables, que pour les Français. Une belle victoire pour Jean-Frédéric Chapuis en ski cross, accompagné sur le podium par le vainqueur de la Coupe du Monde, français également, Bastien Midol, qui termine 3e de cette course à Vézona en Suisse. Nouveau podium également chez les féminines pour Alizé Baron. Enfin en snowboard, Chloé Trespech termine 2e également en Suisse de la manche de snowboard cross de la Coupe du Monde, derrière la Slovaque Eva Samkova et devant l'Italien Michela Moyoli. Donc une belle saison en tout cas de sport d'hiver qui se conclut avec aussi de grands champions qui partent à l'international. On l'avait dit, Lynn Sevon, Alex Lundsvindal, dernière fois que je dis ces noms dans cette émission, en tout cas cette saison, ou encore Félix Neureuther et Frida Hansdotter qui ont dit au revoir au ski alpin lors de ce week-end des finales de Soldeo. Adieu. Et merci. On va peut-être pas parler de la Formule 1 parce qu'on va parler de la Formule 1, on parle tout à l'heure. Je pourrais faire une mini intro d'une minute pour dire juste. Mais il n'y a pas de problème, c'est voilà, toi le chef. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait, Guillaume. Et on va finir du coup sur le football. Ah, c'est à moi. Ouais, du coup, c'est à toi. Sur la Champions League. Je vois que. Non, c'est pas moi. Ah, ouais, c'est je pas sais, moi non, qui non, a fait la Non, ils sont pas tous dans la tête. Ça va t'arriver. Sur la Champions League, évidemment, c'était la fin des 8e de finale et on avait déjà les quarts de finale, voire même les demi possible Oui, j'ai pas les demi en tête, mais on en parlera plus moi tard. Je les ai. Ouais, okay, c'est match 3 qu'on fait, on verra. Il y a un derby of England en demi, voilà. Ça c'est sûr. Manchester Liverpool. T'es optimiste. Je voulais vous parler de Manchester City. Est-ce que Schalke a passé à côté de l'exploit 7-0? Non. Ah, oui. C'est la question du soir. Ouais, c'est la question du soir. Pas très très loin. Non, mais oui, on va quand même parler de Manchester City et des autres clubs anglais. Manchester United, Tottenham et Liverpool. 4 clubs anglais qualifiés en quart de finale. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Est-ce le renouveau du football anglais? Belle question. Ou alors, est-ce que c'est une faiblesse, enfin une régression du foot espagnol qui n'en place que 1? Et là aussi, c'était serré, 5-1. Oui, très serré pour le Barça contre l'OL. Allô Lyon. C'est assez compliqué. Moi, je trouve qu'effectivement, le football anglais reprend des couleurs. Placer quand même 4 clubs en quart de finale de Ligue des Champions, la plus grande des Coupes d'Europe, c'est pas à prendre à la légère. De là à dire que cette année spécifiquement, le football anglais va mieux et a des équipes capables d'aller chercher le titre, je sais pas. J'ai des petits doutes même, et je suis sûr que Flo a quand même le même avis derrière l'affiche qu'il souhaiterait en demi-finale sur Manchester United par exemple. Et pour le foot espagnol, régression relative quand même. Hein. Moi, je vais voir un peu le verre à moitié vide. Quand on regarde très concrètement, excepté Tottenham qui pour moi a fait quand même l'exploit, enfin pas l'exploit mais a déjoué un peu les pronostics quand même, parce qu'on voyait quand même Dortmund faire quelque chose au retour. Honnêtement, Manchester City prend quasiment un dernier de Bundesliga qui est dans le dur, donc Schalke 0-4. Ils avaient laissé l'affaire une Bundesliga moyenne justement en Champions League. Manchester United, tu sais très bien que je les supporte, mais c'est pas un exploit, c'est jamais vu dans le monde du foot de gagner comme ça. Et Liverpool était tout de même, même si c'est le Bayern en face, c'était favori. Tout de même favori face au Bayern. Donc au final, les Anglais, je vois pas. Enfin, je pense que c'est plutôt la conjonction de cette année qui fait qu'il y a 4 clubs anglais. Pourtant, j'adore la Première Ligue, mais je les sens pas plus forts que les années précédentes. Il y a quand même. Après, ça peut être 1 sur 4 là, du coup. Oui. Ouais. Ouais, non, peut-être non, pas Liverpool, non, mais ouais. Ça fera 2. Mais je pense que. Enfin, je voulais rétorquer à ça, c'est que l'année dernière, il y a un club en finale. Liverpool. Il y a 2 ans, Manchester United gagne la Ligue Europa. Ah mais on parle à plus long terme, on est d'accord. Ouais, moi je trouve qu'il y a un bel élan pour le football anglais, mais je trouve pas forcément que ce soit mieux cette année. c'est le seul pays qui a réussi à gagner une Coupe d'Europe à part l'Espagne depuis 5 ans. Donc, c'est vrai. Et pour le coup, cette année, avec un tableau très ouvert, par contre, je pense que même si, il y a d'autres équipes qui semblent faire encore plus figure de favori, en tout cas, c'est mon avis, il y a une belle carte à jouer pour un club anglais, même pas cette fois-ci en finale, mais vainqueur de la Ligue des Champions. C'est loin d'être à exclure, notamment Manchester City et Liverpool, pour moi, qui sont deux des équipes qui peuvent vraiment avoir les moyens de l'emporter. Après, à côté de ça, certes, ces championnats sont pas forcément mis en avant, mais la Juve et le Barça, ça va être dur à les chercher, quand même, petit à petit en puissance, qui fait pas rêver, mais ça me fait mal de le dire, mais qui a par contre vraiment justement une force de pragmatisme et qui je pense sera vraiment très difficile à sortir aussi, sont pour moi un cran au-dessus. D'ailleurs, sur le tirage, ça peut donner en finale un Juve-Barça. Oui, effectivement, sachant que cette année, la spécificité fait qu'on a eu les tirages des quarts de finale, qui donnent aussi le tableau pour les demi et la finale. Tu peux nous les rappeler, Guillaume? Manchester United, ouais. FC Barcelone, qui croise avec Liverpool, FC Porto, et Tottenham, Manchester City, qui croise avec Ajax Amsterdam, Juventus Turin. Il est assez incroyable, le tirage au sort, parce que la semaine dernière, on parlait de Challenger, un groupe de Challenger avec peut-être Tottenham, Ajax, Porto, et plus ou moins Manchester United, et là, et un groupe de favoris, et là vraiment on aurait dit que ce tirage était truqué, quoi. C'est-à-dire que vraiment les deux se rencontrent, on a d'un côté les favoris, d'un autre côté les challengers, dans ces quarts. Justement, est-ce que vous pensez qu'on a les quatre demi-finalistes déjà, Barcelone, Liverpool, City, Turin? Ou est-ce que vous voyez une surprise? Il y aura une surprise, je pense, quand même. Je peux pressionner la paroisse un petit peu. Non, parce que honnêtement, si on peut parler de pragmatisme du Barça, on peut parler de pragmatisme de Manchester United. Parce que honnêtement, certes, si là encore on a perdu en FA Cup, bon, voilà, c'est anecdotique. Hein, mais est-ce que moi, je vois quand même Manchester aller bien chercher les Barcelonais? Je vais pas dire qu'on va gagner, mais c'est peut-être l'équipe qui va casser les pieds au maximum, si je peux m'exprimer ainsi, au maximum à Barcelone. Je pense pas qu'une autre équipe aurait autant emmerdé le Barça. De toute façon, ils ont plus rien à perdre, hein. Ils devraient plus être là déjà, oui, Manchester United, donc autant jouer à fond. Ouais. Il y a des revanches à prendre, hein, sur les finales de Ligue des Champions. C'est ça. C'est vrai que je peux pas te donner tort, même si ça paraît sur les huitièmes de finale une anomalie d'avoir le Manchester United, mais en tout cas qui s'est donné les moyens de se qualifier en quart de finale. Il y a deux équipes que je sentais vraiment dangereuses pour le Barça, c'est la Juve et Manchester United. Et pas City. Et à l'inverse, justement, en Angleterre, toutes les autres équipes m'auraient semblé plus à la portée sur un match aller-retour, hein, pas forcément sur la finale, du Barça. Donc ça peut être effectivement. Comme quoi, c'est pas les favoris, mais. Un match aller-retour intéressant. Après, pour autant, je trouve qu'il y a quand même des petites classes d'écart et qu'il y a une tendance qui ferait croire, mais n'y croyons pas trop tôt, surtout cette saison, d'avoir les demi-finales. Après, moi, si je dois parler d'un match que j'attends particulièrement au niveau du jeu et de son intérêt, c'est Ajax-Juventus. Évidemment, j'allais parler de ce match-là pour celui qui était le plus attrayant. Vous êtes d'accord? Ouais. Moi, j'attends quand même Le football total de l'Ajax contre la bonne base défensive de la Juve, ça donne envie. Moi, c'est vrai que c'est vraiment l'opposition qui m'intéresse, parce que cet Ajax a quand même été impressionnant. Je pense qu'ils sont capables de proposer encore des choses intéressantes. Cette Juventus Turin semble très solide et être capable de proposer quand même quelque chose de différent des autres saisons. Donc, opposition de style à suivre. Ouais. Dernière petite question, Guillaume. Juste, moi, j'ai une petite anecdote. Et quand on regarde le côté d'un tableau, du coup, le côté challenger, ce que tu disais, Quentin, Ajax, Tottenham, City et le dernier, si je ne me trompe pas. Porto. Non. Qu'est-ce que je me suis dit? D'un côté, il y a Tottenham, Manchester City, Ajax et c'est ça? Juve. Et la Juve. Ouais. Se dire quand même qu'il y a possibilité qu'il y ait tu me diras, non, j'allais dire la Juve en finale, mais en fait non, c'est tout à fait logique. J'allais dire qu'il y en a quand même un qui va aller en finale, alors que c'est pas habituel, c'est pas attendu. Ouais, c'est pas attendu. La Juve, fait deux finales récemment, mais ça fait 22 ans, ouais, non, mais oui. 23 ans qu'ils n'ont pas gagné. Ouais, faut voir que la Juve, ils ont une sorte de complexe, même si on les voit actuellement comme des, un mastodonte en Italie, par rapport à l'AC Milan par exemple, au niveau du palmarès, ils ont ce complexe d'en avoir gagné que deux, entre guillemets. Nous, on aimerait bien voir un club qui n'a gagné que deux, mais d'avoir uniquement et beaucoup de défaites en finale. D'ailleurs, ce que j'allais dire, Yacine vous dirait que c'est très bon à prendre en finale. Là, mais moi, ce que je voulais dire au final, c'est que ces quatre-là que je vous ai cités, ça fait quand même un petit moment qu'on les a pas vus gagner chose en Coupe d'Europe, quoi. En même temps, que ce soit en titre ou en. Bah, de toute façon, on a clairement, si Ajax était en 2000, clairement une année où les choses ont changé, et c'est pas plus mal, ça va être intéressant. Ça fait du bien. C'est vrai que vu comme ça, on devrait avoir Juve ou Manchester City contre Barça et Liverpool, mais bon, l'histoire du foot peut se faire tout à fait différemment. Enfin, si le Barça l'a gagné encore, on dira le foot espagnol est toujours au top, quoi. Et ça aura pas tant changé que ça cette année. Ouais, c'est vrai. Ouais, vous voyez, je suis le chantre du football espagnol, et pourtant j'aimerais bien que l'histoire se passe différemment. Mais c'est pas un club espagnol, donc. C'est un club catalan. Bonne soirée. Dernière... Bonjour à tous. Dernière petite question, messieurs, sur votre plus grosse déception. J'ai choisi 4 clubs: Dortmund, Paris, Atlético, Bayern Munich. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, déjà. Ouais, je suis assez d'accord sur les déceptions. Je vois les mêmes. Dortmund, c'est vrai qu'au vu de la phase de poule qu'ils ont fait, on peut être très très déçu de ce qu'ils ont proposé en 8e. Ils disparaissent au pire des moments. C'est pas une façon de perdre contre Tottenham, mais 3-0, 1-0. C'est ça qui fait mal. Dortmund, ils ont du mal aussi en Bundesliga. Ils sont en train de se faire rattraper par le Bayern. Donc, faudrait pas qu'ils perdent tout en fin de saison. Mais si on parle de plus grande déception pour moi, le coup, on va revenir enfin sur un club français, c'est le Paris Saint-Germain, quand même. Parce que c'est vraiment le palier qu'on les voyait et espérait passer cette année. Enfin, espérer. Qui pouvait être espéré. Je vais utiliser cette expression plutôt, en tout cas me concernant. Et ils disparaissent dès les huitièmes de finale. Une année en plus où le tableau s'annonçait particulièrement ouvert et qui leur donnait des chances d'aller loin. C'est pour moi la grande déception de la compétition à la sortie de la phase de poule. Au registre des déceptions, on peut mettre l'Atlético Madrid qui après son match aller, même si pas informant encore une fois de se faire éliminer contre la Juventus qui était un des grands favoris, mais après ce match aller on avait des espoirs, et d'ailleurs la semaine dernière pas grand monde voyait la Juventus passer, même si on avait dit que bon, tout était possible, mais ce match a été vraiment t'avais un monstre en face, ouais, voilà. Malheureusement pour eux. on va passer à notre deuxième chronique, ça va être les sports montpellier. Sport and Chill, le sport montpellierain. J'enchaîne un peu parce que sinon on va être un peu trop en retard sur notre débat, notamment parce que je sens que Romain est chaud comme la braise sur le cyclisme. On va parler donc du MHSC en premier. On va continuer sur le foot, Guillaume. Oui. Un match magnifique. Oula. Ouais. À noter juste que malheureusement l'aventure s'est terminée en Champions League. C'est pour les jeunes. Cette fois-ci, moins de 19. Ouais. Qui s'arrête en 8e de finale contre Chelsea. Défaite 2 buts à 1 dans les derniers instants. Oui, 3 buts. Ouais, c'était. J'ai pas vu le match, mais apparemment c'était équilibré. Ouais, c'était un beau match. Mais il y a beaucoup de regrets à avoir par contre, parce que Montpellier a vraiment joué très très bien contre Chelsea qui est quand même double tenant du titre. Oui. C'est pas n'importe qui. Et je pense d'ailleurs que si des recruteurs ont vu ce match, j'ai bien peur qu'on soit spié, quoi. Donc c'est le problème. Faut les faire jouer. Toujours l'enjeu d'Air Zakarian, fais-en jouer pour pas que nous c'est les piquent, quoi. Ils font pas pire que certains. Et juste en bilan de la semaine pour les sports montpellierains, c'est 7 victoires, 0 nul et 2 défaites. Mais j'ai pas compté 7 défaites. C'est une belle semaine. C'est une belle semaine. Mais ouais. On va démarrer par le football, malheureusement. Dans les bons sports. Enfin, dans les grands sports, en tout cas, c'est pas jojo. C'est pas jojo. Ouais, le MHSC qui hier s'est incliné 3 buts à 2 sur la pelouse de. J'allais dire Gerland, non, du Parc Ouel. Une magnifique du groupe Amas Stadium, le formidable outil de Jean-Michel. Un match auquel je m'attendais. C'est-à-dire Montpellier qui vient pour prendre un point, comme d'habitude, à l'extérieur chez les gros. Et on peut me rétorquer qu'on a eu une très bonne période pendant, de la 15e à la mi-temps, puis un petit quart d'heure en deuxième. Mais je pense que c'est juste grâce à l'Olympique Lyonnais qui a, comme souvent face aux petites équipes, perdu un peu les pédales et perdu le fil du match. Donc c'est grâce à ça qu'on a réussi à revenir à un partout, mais je savais que dès le but de Martin Terrier, ce serait très compliqué de ramener un point. Et puis. Qui me sauve sur MPG, c'est beau ça. C'est anecdotique, mais. Ouais, moi j'ai pris 4-1. Mais. Et on peut parler de déception, non, tu perds à Lyon, c'est pas une déception, mais je pense qu'il y a quand même mieux à faire, notamment dans l'approche du match. Sinon, sur le plan individuel, pas mal de déceptions. Souleymane Camara qui marque encore. Ouais, ça fait plaisir, mais... Qui bat un record, d'ailleurs, de saison d'affilée. Je 15 saisons d'affilée. 15 saisons d'affilée, ouais. Saisons d'affilée, oui, il marque moins de buts. Des déceptions, notamment en défense, j'ai pas trop aimé le match d'Oyongo. J'ai l'impression qu'il n'apporte pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, on joue avec un système de piston, mais lui, ça n'en est pas un. Donc, c'est un peu problématique. Il apporte vraiment rien offensivement, j'ai l'impression. Après, en défense, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus Jérôme Roussillon. Nicolas Cozza, très décevant. Qui cause un pénalty, Nicolas Cozza. Sans vouloir en plus, ça se voit à ton regard, c'est encore plus brillant. Ouais. Ouais, un pénalty, il peut en siffler deux là-dessus. Si on siffle pas là-dessus, ouais, non, ouais. Bon, il a pas siffler le foot. Il a pas siffler Torrington. Hein. Ouais. Qui d'autre en performance individuelle? Ouais, c'est un peu difficile pour lui, mais Pieris qui a un peu pris l'eau, mais après le pauvre il joue jamais, donc c'est compliqué d'être au niveau. Je crois qu'il a joué 100 minutes à tout casser sur cette saison, bah, dont 70 en Coupe de la Ligue. C'est ça, tu peux pas trop lui en vouloir, mais bon, c'est quand même un poste clé, surtout quand tu défends. Donc c'est les petites déceptions. La board, j'ai trouvé aussi un peu en dedans, mais bon, on peut pas lui en vouloir vu la saison qu'il fait. Et puis sinon, sur le reste de la saison, allez, la dernière, vraiment dernière chance pour avoir une belle fin de saison, c'est de battre Guingamp dans deux semaines. Waouh. Oui, mais après, voilà, c'est tellement serré que tu vois, t'es à 5 points de Marseille. Ouais, mais c'est dur quand même de dire qu'on va aller en Europe. Et avec. Là, on est quand même sur 13 matchs où on gagne pas, c'est pas ça? On en a gagné 1 sur 13. On a gagné Bordeaux. Ah oui, 1 sur 13. Hein, super. Depuis quand? C'est ouf. Hein. Non, depuis... quand il y a 13 matchs entre quand et maintenant? Non, depuis quand? Je dirais décembre. Ouais, il y a au moins 2 matchs de victoire. Il est bon. Ouais, en tout cas, en 2019, il y a 2 victoires. Voilà. C'est pas Jojo, c'est un peu comme l'année dernière d'ailleurs, et c'est vraiment le mal des équipes de Der Zakarian. La saison juste avant qu'on le prenne, il est à Reims, et Reims joue la montée en mars, et il finit 8e. C'est une Mourinho arménien, quoi. Mais c'est quand même problématique dans tous les clubs où il passe d'avoir des deuxièmes parties de pas saison. Je pense que c'est ça. Je sais même pas si c'est ça, s'il y a peut-être un problème de préparation physique la ou quoi. La saison dernière, exactement pareil, on s'écroule, donc je sais pas comment l'expliquer. Après, quand on le signe au club, on signe monsieur milieu de tableau, quoi. Ouais, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'en plus, dernièrement, on prend des buts et un peu. Ah ouais, ça, oui. Après, il faut signaler l'absence de Pedro Mendes. Hein, ouais, sur, non, ça fait mal. Qui manque énormément, quand même. Et qui manque aussi sur MPG. Romain, justement, le MHR, c'est une des satisfactions de cette semaine qui entretient l'espoir. Est-ce que ça entretient l'espoir ou pas? Est-ce que tu y crois? On peut le dire si on veut, si on pousse un peu, sachant qu'il faut aller chercher maintenant, au vu du nombre de défaites à domicile, des victoires à l'extérieur. Donc ça commence par une, et si on fait une série exceptionnelle en allant gagner tous les matchs finalement jusqu'à la fin de la saison, l'espoir est permis. Après, soyons sérieux, le retard pris est déjà conséquent, mais belle performance de Montpellier en tout cas, qui s'est remis à la tête à l'endroit sur ce match. Entame de match assez difficile où Toulon est parti sur des bonnes bases, mène 15-7 je crois à la mi-temps. C'est ça, il domine dans tous les impacts Toulon d'entrée de match. Après, il a fallu que Montpellier s'y remette un peu pour pouvoir exister dans ce match. Et duel effectivement entre deux équipes à Félix Mayol, deux équipes malades cette saison qui se suivent d'ailleurs en championnat. Malgré les gros budgets et les internationaux. Donc ouais, comme quoi, ça ne suffit pas cette saison. Et les saisons se suivent et se ressemblent pas pour ces deux équipes qui étaient en phase finale l'année dernière. Toulon barragiste et Montpellier finaliste pour le rappeler, donc 9e et 10e cette année. Et les Montpellier, c'est un grand mot. Finaliste, c'est un grand mot. Finaliste malgré tout. et premier du championnat d'ailleurs de la saison régulière. Et Montpellier effectivement dans le creux cette année, mais qui allait chercher une belle victoire du côté de Mayol, avec notamment un essai d'un joueur formé au club, Yvan Rayac, à la 70e minute. C'est une superbe passe au pied de François Stein, qui a permis à ce moment-là à Montpellier de renverser finalement les Varois sur leur pelouse. Première victoire en plus, c'est quand même à signaler, de Montpellier dans son histoire à Mayol. À Félix Mayol, qui est quand même un stade, bon, moins cette année, mais difficile à prendre. Victoire 21-18 du MHR qui est parvenu donc à l'emporter et qui prend ainsi 5 points d'avance sur son adversaire du jour. Donc le break est fait en tout cas vis-à-vis de Toulon, mais il faudra encore bien plus pour espérer des phases finales qui sont très hypothétiques. Moi j'espère surtout que sur cette fin de saison, et c'est ce que Benoît Payog dans le discours avait l'air de dire, le MHR montrera de un meilleur visage et sera capable de produire beaucoup plus de jeux, surtout qu'un entraîneur comme Verne Cotter normalement est censé nous le permettre dans la perspective de la saison prochaine. Très bien pour ce point rugby. En bref, les autres clubs de Montpellier, il y a beaucoup de victoires comme je vous l'ai dit. On est au sprint final pour la Ligue A de volley avec le MCVUC qui est plus que bien placé avec sa deuxième place, qu'il compte bien garder d'ailleurs avec cette victoire nette et sans bavure, 3-7 à 0 contre Narbonne ce week-end. 8 victoires en 10 matchs pour Montpellier qui démontre qu'il faut encore compter sur eux pour les phases finales. On espère qu'ils vont le faire parce que Montpellier était habitué à perdre tout simplement en phase finale et à perdre tous ses moyens tout simplement. Pour l'instant, il reste encore 4 matchs en saison régulière pour nos Montpelliérains. Quelle semaine aussi chez les Gazelles du BLMA, notamment dès mercredi où pour la première fois de leur histoire, elles se sont qualifiées pour les demi-finales de Petite Coupe d'Europe en s'imposant dans ce duel franco-français contre Charleville-Mézières. Et les Gazelles savent déjà leur adversaire avec les Espagnols de Girona. Catalanes. Les Catalanes de Girona, décidément. Ça sera dans une semaine et demie ou deux semaines, si je ne me trompe pas. Et puis en championnat aussi, également, ça enchaîne avec une victoire samedi 86 à 63 contre Saint-Amand. Le BLMA conforte sa place sur le podium de LFB. Donc tout va bien pour les Gazelles. En foot féminin, le MHSC, victoire plus que facile contre Metz, 7 buts à 0. À l'extérieur, les féminines s'étaient déjà imposées 11-0 contre les mêmes Messines à l'aller. Une fin de saison donc tranquille. Il reste 4 matchs. Le foot féminin, c'est beau. Il reste 4 matchs, dont 2 contre les 2 derniers clubs du classement. Donc ça devrait bien se passer pour elles. Le seul intérêt sera d'aller chercher la 3ème place, vu qu'elles sont toujours égalité de points avec les Bordelaises. Oui, pardon. Non, mais peut-être que tu sais pas. On les joue, les Bordelaises ? Encore ? Non, on les joue pas. Parce qu'elles sont devant la différence de but particulière. Donc, oui, elles sont devant. La 3ème place, elle n'amène pas en Coupe d'Europe. Non. Oui, je sais. Non, mais c'est juste. En fait. Peut-être si en Ligue 1. Sur le podium. Ouais, peut-être comme en Ligue 1, on gagne plus de sous si on est 3ème. Ça doit se jouer à 200. Et puis, mais surtout pour le prestige, ce serait vraiment une sale saison de se faire taper par Bordeaux. Quoi. Ouais. Ouais, Bordeaux. Surtout ce que représente Montpellier dans le foot féminin. Oui, bien sûr. Une stat aussi à aller voir, justement, pour nous. À mon avis, ça fait bien longtemps que le MHSC féminin n'a pas fini en dehors du podium de la Ligue féminine. Donc ce serait quand même vraiment un aveu d'échec. Après, ouais. et c'est pour ça que j'espère qu'ils vont réussir à doubler Bordeaux. Mais maintenant, effectivement, si on les joue pas, matchs, va falloir espérer que Bordeaux chute de son mais côté. Je crois que Bordeaux va à Paris pour le dernier match. Oh, ça va. Donc, c'est rare, on va supporter le PSG. Surtout, on fait un débat sur Bordeaux féminin. Eh oui, c'est vrai. On va faire sur le cyclisme, je suis désolé Romain. Il me reste donc 2 clubs. Difficile victoire du MMF Montpellier Futsal, 5 buts à 3 contre Pstadt. Mais l'essentiel est sauvé avec une nouvelle victoire qui leur fait conserver leur première place. Même si les Toulousains sont les deuxièmes, possèdent toujours un match en moins. Il y a une donnée importante que je m'étais un peu mépris là-dessus. Sur cette donnée, c'est qu'il faudrait être premier automatiquement et non pas dans les deux premiers. J'ai fait une petite erreur. Il faudrait être premier pour accéder en D1, donc il n'y a pas de play-off. Le problème, c'est qu'il reste, 5 matchs. Mais il y aura un duel entre les Toulousains et Montpellierains à Montpellier. Qui va valoir de l'or. Montpellier devra gagner tous ses matchs. Ça, c'est une obligation pour revenir en D1 parce qu'ils avaient quitté la D1 l'année dernière. Donc c'est dans quelques semaines d'ailleurs qu'il aura lieu ce match entre Montpellier et Toulouse. Allez MMF. Exactement, et on va terminer par la meilleure nouvelle des sports montpelliérains avec la victoire des Vipers 7 buts à 3 contre Chambéry. Pas une victoire anecdotique car elle assure tout simplement le maintien des Vipers en division 1. Eux qui sont remontés la saison dernière. Ouais, qui sont remontés la saison dernière, ce qui était des promus. Il faut savoir que c'est... en fait, ils font des poules de maintien où ils gardent quand même les points entre les clubs qui... Enfin, les points entre... Sur les confrontations directes. Sur les confrontations directes, merci Romain. Ouais, comme le championnat du monde de hand et tout. Exactement. C'est le pay-down. Ouais, voilà, ça comme ça, les play-down, ouais, exactement. Play-down. Et sachant que Montpellier avait, je vous l'avais dit, je crois, avait gagné 5 matchs sur 6 face aux autres équipes, il restait qu'à gagner un match, et ce qui est fait. Il reste quand même 2 matchs de maintien, de play-down à jouer pour Montpellier, mais c'est fait en tout cas. Voilà pour. Très belle nouvelle. Très, très, bonne, ouais, très bonne nouvelle. C'est fascinant, c'est sport où tu es en division 1 et tu es un des deux. Ouais, ouais, avec la Ligue Magnifique. Ouais, et si tu le permets aussi, en foot américain, on a les Hurricanes, ouais, qui sont allés gagner 33-8 à Aix. Tu fais bien de le dire, en effet. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de sport à Montpellier. C'est vrai qu'ils sont en première division aussi cette année-là. Ils sont montés et du coup, un beau succès pour le maintien. Ok. Et ben voilà, c'est l'occasion de mettre en avant le football américain à Montpellier. C'est vrai. Parfait, bah voilà cette page montpelliéraine terminée. On va passer à notre première pause musicale et on a fait plaisir à Tom. Enfin, j'ai fait plaisir à Tom aujourd'hui. Je lui ai dit de se lâcher un peu sur la musique. Il a repassé sa playlist. C'est lui qui gère la pause musicale aujourd'hui. Ouais, bah du coup, j'en ai une spéciale pour toi, Flo. C'est Caris Octogone. Non, c'est pas vrai. T'auras le plus fort, je crois. On va s'écouter KD, Tatham et Humeur, ça s'appelle Cupid et tu vas voir, c'est très très chill comme tu voulais. Yes, nickel. Unattended, tended to the tender touching in the mattress. Master daughter bait that bit back when she been backwards. I built a bone, a bigger bone. My backside tough like your nigga home. With an ascot rub size and beer pong by himself, fiddling basement with the bass on. Like, yo, she had my self esteem established. As a dad for Meisner, might have acted. Pass her mom with wine, spiritual magic. Dog spazzing, underbitten as the bitches pass him. Yo, she bit my ear, but shit, I liked it. Ahead of known tendencies, typically the type is a man made misery. Dark times are timeless. I could have followed history, but then I flipped the light switch. You an undercover Cupid, stupid. Handheld Lucy, I hate my pollution. Welcome back to the black man roofie. But never gon' forget how to love it straight through me. You an undercover Cupid, wildin' the mirror, Mitchell Towns. Hold it down for the comments. Welcome back to the all the black minds. It's the past things that past brain to bring honor. You an undercover Cupid, stupid. Handheld Lucy, I hate my pollution. Welcome back to the black man roofie. But never gon' forget how to love it straight through me. You an undercover Cupid, wildin' the mirror, Mitchell Towns. Hold it down for the comments. Welcome back to the all the black minds. It's the past things that past brain to bring honor. Cute daddy, Cupid, what they call me. But don't let that fool you, I'm foolish enough for heartbeat. To bump a car, call me, consider the nigga horny. Turn him to a Darius, married with kids at 40. Cause he used to be a stone cold player. And I learned from ice cold, keep your heart on Himalaya. But I learned from 3 O's, the heart is never a player. So play your ass around and end up back down with a baby. I can be a dick cause I love love. Sorry that I fuss so much and bitch, cute daddy does. I deliver a nigga, a bitch, the sound of love. I deliver a woman some dick in a ring and tuck. So we can put a nigga with a nigga or a woman hitting figures with another. Cause we know double queen is quite chillin'. But cute daddy Cupid is coming to kill the lonely off. Put bone to jaw, the gem ring won't fall off when I shoot you. Let me shoot a nigga. I wanna shoot you. You an undercover Cupid, stupid. Handheld Lucy, I hate my pollution. Welcome back to the black man roofie. But never gon' forget how to love it straight through me. You an undercover Cupid, wildin' the mirror, Mitchell Towns. Hold it down for the comments. Welcome back to the all the black minds. It's the past things that past brain to bring honor. see heart won't be, be, be, gon' be, be, be. I see rain, I see sleep, I see heart gon' be, be, be. I see heart gon' be, be, be, gon' be, be, be, gon' be, be, be. De retour sur Sport and Chill, est-ce que Tom, tu peux nous rappeler un peu l'artiste de... Et ne redis pas Booba, ni Caris. Ah, c'était Kaidi, Tatam et Humeur, et ça s'appelait Cupid. Ok, bah nickel, on va passer tout de suite au débat. Sport and Chill, le débat de la semaine. Débat de la semaine, on va parler cyclisme. Au début c'était Formule 1, mais au vu des chroniqueurs qui je sens plus sur le cyclisme. Hein. En fait, vas-y, dis qu'on n'y connaît rien. Ouais, c'est ce que je disais à peu près. Ce qui ne nous empêchera pas de parler Formule 1 dans la parole est au chiller, c'est avec Guillaume. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, je prépare mon truc, moi. Romain, d'ailleurs, c'est toi qui... la clavicule, Thierry. Qui gère un peu ce débat cyclisme. Et tu vas nous faire une petite introduction. Ouais. Pas piqué des hannetons. À ne pas piquer des hannetons, ouais. petite intro courte, je vous le promets. Donc la saison 2019 de cyclisme qui a débuté à partir du mois de janvier en soi avec le Tour Down Under. On entre vraiment dans une des périodes importantes de cette saison avec le printemps. Le moment de découvrir notre Paris-Nice, de découvrir aussi Tirreno-Adriatico, qui sont les deux courses qui ont lieu en ce moment. Paris-Nice qui s'est terminé ce week-end avec la victoire d'Egan Bernal et un Colombien d'une chère équipe Sky. Les Colombiens très Skype. En forme en ce moment. Skype. Non, c'est une private joke. Petite private joke. Une ancienne émission. Donc l'équipe Sky pour Egan Bernal et une victoire qui se présage a priori sur Tirreno Adriatico pour Adam Yates. Adam Yates. Et devant Primoz Roglic si je me trompe pas au classement général actuellement. Printemps ensuite qui va suivre avec des classiques, on pourra les évoquer notamment sur ma dernière question, sachant que je vous demanderai messieurs et nos auditeurs pourront réagir, quelle est la course que vous attendez le plus cette saison. Et nous allons démarrer bien sûr par parler de nos Français d'ailleurs qui ont brillé moins sur Paris-Nice, mais qui brillent pour l'un, surtout à Tirreno-Adriatico. Romain Bardet a fait une semaine correcte, on va dire, de monter en régime sur Paris-Nice. Nos Français du sprint ont été un petit peu décevants en début de Paris-Nice, il faut aussi le dire, pour Démare, pour Coquart également, qui était en lice. Et par contre, Julien Alaphilippe, bien sûr, qui brille, qui l'a encore emporté sur une étape qui arrivait au sprint sur Tirreno Adriatico, qui en est à 3 victoires, si je ne me trompe pas. Mmh. Trois victoires sur ce Tirreno, qui a remporté aussi l'Estrade Bianche. Et donc, on va démarrer par ces Français, et je vais vous demander, démarre qui veut, quelles sont finalement vos attentes pour les Français. C'est Arnaud qu'on démarre. On va se centrer sur trois Français, bien sûr, sans surprise. Romain Bardet, ah bon, Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot. Commencez par celui que vous voulez, messieurs. Est-ce que je peux commencer sur Bardet? Parlons de Romain Bardet, ça fera le point avec Paris-Nice. Très bien. Romain Bardet, on peut le dire quand même qu'il est un peu... On peut dire qu'il a un peu raté son Paris-Nice, qui était un peu loin des favoris, notamment sur l'épreuve Rennes de samedi, où il a un peu craqué sur la fin. Malheureusement, pas dans l'imaginaire français, si on peut appeler ça comme ça, mais son seul objectif de cette année, c'est le Tour de France. À nouveau. Mais le problème, c'est que s'il ne réussit pas ça, pour moi, qui est peut-être le seul objectif de cette année, il aura techniquement raté sa saison. Peut-être pour le grand public, peut-être pour les plus connaisseurs, non, mais il aura raté sa saison s'il se rate sur le Tour de France. Parce que moi, j'attendais beaucoup de lui l'année dernière, sur le Tour de France, qui était taillé pour lui, avec moins de contre-la-montre que prévu, avec un profil un peu plus... un peu moins fait pour les Sky, justement, et un peu moins fait pour Froome, qui était dans difficulté d'ailleurs, Froome. Donc on s'est dit, c'est la chance de Romain Bardet, qui est une bonne équipe, avec les AG2R. Il ne l'a pas prise, et d'ailleurs c'est quand même assez rétalé un petit moment. Donc j'étais un peu déçu de lui l'année dernière, même s'il fait une deuxième place, je crois, en championnat du monde. Oui, c'est oui. Ça. Si je ne me trompe pas aussi. Donc un peu déçu. Entre Valverde et Michael Woods. Ouais, donc un peu déçu de lui l'année dernière. Donc cette année, je vais être dur avec lui, mais si c'est pas si c'est pas le maillot jaune, ça sera. Bah ouais, mais bon, c'est compliqué, mais à un moment il faut qu'il la gagne parce que sinon. Est-ce que lui, un podium ça suffirait? Non, il en a déjà fait donc. Il en fait plus haut, comme dirait Paris. Son grand objectif. Je me permets de faire je souhaite un peu plus de gloire qu'au Paris Saint-Germain. De faire le pont avec ce que tu dis, Flo, sur Romain Bardet. Il y a eu pas mal de spéculations en fin de saison, hein, que ce soit pour Romain Bardet et Thibaut Pinot sur les grands tours sur lesquels il s'alignerait cette année. Ouais. Et on pouvait se demander, à l'inverse de Pinot, dont je pense on y reviendra, on peut se satisfaire de la participation à venir a priori sur le Tour de France. On pouvait se demander si Romain Bardet, après son échec sur le Tour de France, souhaiterait un peu s'exporter, parce qu'il le fait assez peu sur l'un voire les deux autres grands tours. Il a fait qu'une Vuelta. C'est rare de faire la Vuelta son objectif en début de saison, sachant que c'est assez dépendant du reste de la saison. Mais on pensait peut-être que Romain Bardet viendrait sur le Giro, et il n'en est rien. Est-ce que vous pensez-vous que c'est une erreur, que c'est risqué justement pour lui de miser à nouveau sur le Tour et qu'il ne va pas y avoir un peu un essoufflement? Il devrait essayer le Giro, qui est une course plus ouverte que le Tour de France. Lui qui est un attaquant dans l'âme, je pense que ça serait une course qui lui correspondrait. Un bon descendeur aussi, donc avec les descentes des cols italiens qui ont réussi par le passé, par exemple à Vincenzo Nibali, ça pourrait aussi lui convenir. Puis j'ai peur aussi qu'il y ait un effet plafond de verre en fait. Qu'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, et puis il ne progresse plus. Moi je pense que c'est déjà le cas. Hein. Et moi, alors l'année dernière, on peut y mettre la thèse de l'accident. Sur le Tour de France, il fait 6e, pas en forme, ok, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. S'il fait 2 fois, il faut peut-être penser à changer de logiciel et aller voir ailleurs, peut-être même changer d'équipe. Il y a au niveau équipe française, je pense que ça va être compliqué, mais je pense qu'il peut aller où il veut, ce mec là donc faudra y réfléchir s'il y a encore un échec cette année, quoi. Sachant que la concurrence s'est densifiée aussi, hein. Je fais le pont avec la saison 2017 où on a eu quand même 2018 pardon, où on a eu des grands vainqueurs sur les grands tours, des nouveautés aussi. Oui, t'as plus de Ryder Hasdal qui gagne un tour, quoi. Voilà, on a les frères Yates maintenant qui enchaînent, qui ont gagné. Simon Yates qui a remporté le dernier Tour d'Espagne, qui avait failli remporter le Giro avant de s'effondrer aussi sur la fin. Exactement, qui avait failli gagner le Giro, qui avait fini par lui échapper au profit de Christopher Froome. On a dans une équipe Sky un duo Geraint Thomas, Christopher Froome qui sera à nouveau présent sur le Tour. Ces profils aussi rouleurs grimpeurs qui sont très très bons sur 3 semaines. J'anticipe un petit peu sans le vouloir ma prochaine question. Restons sur nos Français. Romain Bardet aussi semble toujours un peu limité, et c'est souvent le cas avec nos Français sur l'exercice solitaire, sur le contre-la-montre. Ouais. Je me souviens tous quand il craque à Marseille. Ouais, effectivement, sur la fin du Tour 2017. Et on peut avoir quelques inquiétudes. Effectivement, moi j'ai un peu peur, comme Guillaume le dit, qu'il plafonne. En plus, il a du mal quand même à exploser la course en montagne, donc qu'il finisse même par perdre à nouveau le podium sur un contre-la-montre, par exemple. Voilà, mon point de vue, c'est pourquoi le faire dès cette année. Il est encore assez jeune, il peut encore se donner encore un tour. Mais il doit avoir 27 ans, c'est ça ? 28. 28. Il peut se donner encore au moins cette année cette tentative sur le tour, et puis tout miser plus tard à 29-30 ans sur un grand tour. Peut-être tout mettre en place justement pour aller gagner un grand tour. Mais est-ce que tu crois pas, est-ce que tu crois pas, moi c'est plutôt ma vision, que c'est le moment qu'il aurait dû peut-être cette année, après on refait pas l'histoire, c'est ses choix. Et moi j'espère qu'il va les assumer et qu'il va faire une super perf sur le tour. Et déjà, moi amateur de vélo, si Romain Bardet monte sur le podium, je serais assez satisfait pour lui. Surtout que l'année dernière avait été assez difficile, même s'il finit sur une bonne note sur les mondiaux. Mais est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu cette année aller sur le Giro, voire doubler Giro Volta à l'image de Simon Yates, pour revenir justement sur le tour après avoir performé à l'étranger sur 3 semaines, pour justement essayer de franchir enfin ce cap et aller chercher le Tour de France? Moi c'est mon avis justement, j'ai la vision inverse de la tienne, tu vois, il pouvait revenir à 29 ou 30 ans sur le tour après avoir remporté un Giro ou une Volta, ou au minimum sur le Giro être allé chercher un podium. Après c'est même sur le plan comptable. C'est-à-dire, au final, ce mec, s'il s'aligne toujours sur le Tour de France et qu'il se fait toujours avoir par les Sky, à la fin de sa carrière, au niveau du palmarès, il n'y en a pas. Que des places d'honneur, des top 10, qui au final veulent rien dire. Après, au niveau de l'exposition de ce sport, le Tour de France est un événement à part. Ou pour un Français, et notamment pour quelqu'un comme Romain Bardet. Et une équipe française aussi. Et pour une équipe française. Oui, et quelque chose, enfin, il n'y a pas d'équivalent. En termes de médiatisation, en termes de soutien populaire. Je suis pas sûr. Roland au tennis, si tu veux. Ouais, un peu comme Roland Garros, voire pire, parce que je pense qu'il y a quand même plus de gens qui suivent un grand chelem qu'un autre grand tour. Mmh. Oui, parce qu'il y a plus d'amateurs de enfin je trouve que le Tour de France est quand même extrêmement grand public et moins les autres. Au cyclisme c'est vraiment le truc l'événement majeur phare vraiment. Qui écrase tout quoi. Et donc je sais pas d'un point de vue financier aussi sur un coureur français peut-être en termes marketing et tout si c'est possible aussi il y a des enjeux de cette ordre là. Je suis pas expert en économie du cyclisme mais je suppose que ça peut rentrer en compte. Non mais tu as raison de le dire surtout que à l'inverse par exemple je vais nous permettre ensuite même si je laisserai réagir Guillaume de faire le pont avec Thibaut Pinot oh espagnol aujourd'hui avec Thibaut Pinot Groupama FDJ à Arnaud Démare donc peut axer son équipe d'une manière très différente voilà. En visant le sprint comme ils l'ont fait l'année dernière. Dis ce que je viens de dire. Ah c'est ce que tu allais dire, excuse-moi. Oula. Grosse erreur. Alors qu'à l'inverse, AG2R a peut-être pas d'autres cartes à jouer. C'est ça que la FDJ peut se permettre de mettre Thibaut Pinot sur un autre grand tour et quand même avoir quelque chose à jouer les victoires d'étape sur le Tour de France, ce que ne peut pas se permettre à G2R qui n'a pas de sprinter. Et ouais, puis même Pierre Latour est encore un peu trop jeune pour jouer les favoris. Ce sera jamais un vainqueur de Tour, mais ça c'est notre avis, c'est différent. Mais sinon, ouais, pour faire le point avec Thibaut Pinot ou même Julien, pour parler d'autre chose que du Tour de France du coup, moi celui que j'attends vraiment c'est Julien. Bon, il va faire le tour évidemment. J'espère qu'il va claquer un monument encore cette année. Peut-être dès la semaine prochaine. Peut-être dès la semaine prochaine. Ce week-end, parce qu'il est super en forme. Et sur le tour, je le vois vraiment faire un tour exceptionnel, comme l'année dernière d'ailleurs. Et pourquoi pas viser un peu plus haut que son maillot à poids. Et ça a combien de places au général? Il fait dans les 15, non? Ouais, dans les 15, je crois. Ouais. Dans mes souvenirs. Enfin, il est impressionnant. Ouais, il est impressionnant. J'ai rarement vu. Enfin, si, le mec, il me rappelle Sagan en fait. Ouais, en meilleur encore. Enfin, avec des capacités supplémentaires sur les courses par étapes, notamment une semaine. Ouais. Il me rappelle lui. C'est. Après, justement, pour Julien Alaphilippe, ce que j'espère, c'est d'autant plus les courses d'un jour ou courses d'une semaine. Plus même qu'un top 10 sur le Tour de France qui serait bien mais justement ça fait pas un palmarès non mais qui serait une étape peut-être pour comme les Anglais aller gagner un tour plus tard quoi. Mais je n'hésitais pas parce qu'il y a les cyclistes. Sinon on peut après Julien Alaphilippe là où il a un bon profil c'est qu'il est assez complet, il peut que progresser en montagne, on voit que déjà sur du plat ça va très vite. Et donc, à voir ce qu'il va donner, s'il arrive à suivre les meilleurs en montagne à l'avenir, ça pourrait être une très belle carte pour même les grands tours. Ouais. Comme je disais avec Corentin, juste avant l'émission, c'est bien que Julien quand même s'est spécialisé dans les courses à étapes, voire même les classiques ou les monuments, et peut-être pas sur les victoires de maillot jaune ou sur les grands tours. C'est un profil de coureur différent quand même des deux autres. Ouais, mais il y a quand même quelques années où on se demandait s'il allait pas plutôt jouer les maillots du général. Après, comme le dit Guillaume, je pense qu'il peut même voir une carrière au vu de son talent en deux temps. Moi, je préférais que cette année il vise d'aller chercher justement pourquoi pas des week-ends Milan-San Remo. Ce qu'il fera, aller chercher, je sais pas, j'espère, ce qu'il fera en termes de participation aux courses, c'est-à-dire aussi participer aux Ardennaises pour essayer d'aller chercher Liège-Bastogne-Liège où il a buté jusqu'à présent sur la deuxième place. Est-ce qu'on pourrait comparer un petit Philippe Gilbert en Belgique un peu dans... Ouais, moi j'irais plus loin que ça. Valverde. Vous allez dire que ça va être l'occasion pour moi de dire son nom. Un peu. Jules l'a dit, à Alejandro Valverde plutôt, parce que justement je pense qu'à l'inverse d'un Philippe Gilbert, et à l'image plus de Valverde, Julien Alaphilippe a des capacités sur tous les profils, tant sur les classiques que sur les courses par étapes jusqu'au grand tour. Ce qu'a fait Valverde auparavant. Je fais le pont, alors on fera plus bref sur les deux prochaines questions, sachant qu'on a bien parlé de nos Français. Je pense. Très bref sur celle-là, juste votre avis sur les autres équipes et surtout sur une, le Team Sky. Est-ce que le Team Sky va continuer sur les courses par étapes, comme on a pu le voir sur le Paris-Nice avec Egan Bernal, à verrouiller la course et à dominer outrageusement le peloton mondial, juste pour vous donner les cartes qui vont jouer sur les grands tour, Egan Bernal sur le prochain Giro et donc le duo à nouveau, Geraint Thomas, Christopher Froome, on se posait la question mais c'est le cas sur le prochain Tour de France. Moi j'ai vu quelques étapes du Paris-Nice et je t'en ai d'ailleurs parlé Mais non, mais c'était ce week-end, hein, Guillaume. Ah, d'accord. Avec notamment les arrivées au col du Turini et oui, exactement. Et Col des, notamment c'est sur cette arrivée samedi à Turin, enfin sur le col du Turini, pardon. Et j'ai vu, j'ai cru vous revoir le Tour de France, tout simplement. Le peloton, le train Sky, des échappées, et même si les échappées étaient à 5 minutes, bon, peu importe, on savait très bien que les Sky allaient rattraper et prendre la première place. Sans trop de soucis, on dirait que c'est rodé déjà depuis trop longtemps, même avec des jeunes. Bernal qui est très jeune, 21 ans. Tu vois Bernal gagner le Giro face à Dumoulin, face au Yates, à Simon Yates, qui revient justement pour se refaire la cerise après justement sa grosse défaillance après un super début de Giro l'année dernière. Après, moi, Dumoulin, pour revenir un peu au dire de Guillaume, est-ce que c'est pas un plan de fond de verre pour lui? Est-ce qu'il peut pas aller plus haut? Non, mais il a déjà gagné, lui, le Giro. Oui, il a déjà gagné, ouais, mais expérience. Oui, mais c'est quand même un mec qui initialement n'est pas un grimpeur. Comme Roglic, qui on voit de plus en plus arriver comme ça, ces rouleurs grimpeurs qui sont redoutables. Qui faisait du swaski, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Polyvalence étonnante. Donc, moi, je veux bien Bernal faire quelque chose, tout comme un autre Colombien, Miguel Angel Lopez pour les Astana, qui lui également peut faire des belles choses. Donc, au niveau des Colombiens, ça serait plus sur ça et non pas sur Quintana qui. Malgré sa semaine quand même. Très différente, enfin à Paris-Nice, en tout cas on l'a vu faire des choses qu'on n'avait pas vu faire auparavant. Très différente, notamment hier. La vraie, oui, notamment hier à la rigueur, mais la vraie, l'étape reine quand même, c'était celle de samedi, parce que c'est quand même, on finit quand même sur le Turini qui est quand même assez monstrueux. Il attaque au kilomètre. Voilà, moi j'ai vu du Quintana habituel. Hein. Ouais. Après, certes, il a fait peut-être une belle dernière étape dimanche, mais bon. Je veux dire, je pense pas qu'au Tour de France il changera ses habitudes. Il l'a pas fait ces dernières années, je pense qu'il le fera pas encore cette année. En tout cas, on verra ce que ça donne. Il a prévu il dit avoir changé son approche de la course, avoir réglé les problèmes qu'il avait, notamment physiques. Il a gagné. Et il a changé de d'entraîneur. Ouais. Il a gagné une étape, je crois, en Colombie d'ailleurs. Il y a pas longtemps cette année. Ah ouais, non, ouais, mais moi, je vois, tu suis même le Tour de Colombie, la Vuelta San Juan, toutes ces courses. Paris Camembert. C'est merveilleux. Non, moi, juste un petit avis, c'est tant qu'il n'y aura pas de changement de règlement, la Sky dominera. Parce que l'année prochaine, ce ne sera pas la Sky, ce sera un autre nom, mais ce sera toujours la même structure. Tu fais référence par là au côté mécanisation de la course, oreillette, capteur de puissance. Et surtout, ça tue le vélo, mais d'une force, parce que si ce n'était pas la Sky, ce serait une autre équipe. Tant que personne ne les attaquera, personne ne se liguera contre eux, entre guillemets. Tu ne peux pas les attaquer. Mais moi, je n'y crois plus à cette grande ligue qu'on nous a vendue. France Télé adorait nous la vendre, ou même RMC. Mais on voit bien que ça ne marche pas, parce qu'il y a trop d'intérêt personnel. Il y a ses intérêts, et puis comme dit Guillaume, avant d'en venir sur ma dernière question, il y a quand même cet aspect qui est le fait qu'ils sont tellement gestionnaires sur la course avec les outils technologiques qu'ils ont à disposition, que même sur certaines étapes, on l'a vu faire, parce que quand même sur le dernier tour, Kruijswijk, Roglic, même si des fois ça a couru à contre-temps, ont eu l'occasion des fois de se retrouver avec Bardet, de se retrouver avec Quintana et Valverde. C'est au Movistar de le faire. Mais qui l'ont fait l'année dernière. C'est la seule équipe qui pouvait rivaliser avec les Sky. Après l'année dernière, je trouve qu'ils l'ont fait, mais que l'année dernière, c'était un manque de niveau, vraiment. Que finalement, Quintana, Valverde, Landa étaient nettement en dessous de ce qu'on les vendait avant pourtant le tour. Pourtant, on les a. Enfin, au niveau sur le papier, c'était quand même la grosse équipe, quoi. Et les coéquipiers, je suis d'accord avec toi, mais c'est ça qui était nul. La réalité de la course, le jour J, et cette équipe qui semblait une armada derrière la Sky ne l'a pas été. Alors qu'à l'inverse, l'équipe Lotto néerlandaise l'avait été beaucoup plus avec Kruijswijk et Roglic. Si t'attends les Néerlandais pour avoir le sens de la course, t'es pas arrivé. Ouais. Vu ce qu'ils avaient fait déjà l'année dernière, où ils font un très bon classement, mais où ils ont tendance à courir. Ils sauvegardent la 9e place. Voilà, de Bokemonema. J'en viens du coup à ma dernière question. On fera très bref. C'est pour donner un petit peu un teasing, un avis sur les courses à venir à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous leur conseillez à suivre chacun à tour de rôle. Quelle est la course et pour quelle raison qui vous fait saliver cette saison? Je commence. Allez, on commence par toi, Flo. Moi, j'en avais deux, donc je vais aller très rapidement. C'est pas des courses que je préfère le plus, hein, mais c'est des courses qui seront à suivre pour le côté français. Donc les deux, c'est Milan-San Remo et la Flèche Wallonne. Milan-San Remo, parce que bon, déjà, ça arrive, c'est la Primavera, la première grande course de l'année, où j'attends beaucoup Arnaud Démare. Moi qui critique beaucoup, je ne suis pas fan de ce cycliste. Tu attends au tournant? Oui, j'attends au tournant, et celui qui avait gagné il y a deux ans et, qui avait fait un podium. Ouais, mais dans son palmarès, au final, j'allais dire, il n'y a que ça, mais c'est quand même pas déjà bien. Mais j'attends qu'il confirme encore sur celle-là, et c'est une course qui est à moitié entre des sprinteurs et des baroudeurs, voire des punchers. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Après, il faudra regarder les 10 derniers kilomètres, parce que Milan-San Remo avant, c'est terrible. C'est le podium de la Cipressa. Hein. Et là, c'est la Flèche Wallonne, pour savoir évidemment sur si Julien peut aller reconfirmer et aller chercher encore une fois Valverde, si c'est la fin de l'ère Valverde. Si Julien va encore chercher une nouvelle fois la victoire là-bas, sur le mur de Huy, je pense que l'ère de Valverde sera définitivement actée. Battre le champion du monde sur sa course favorite. En effet. Voilà mes deux. Pour moi, ce sera... Bah, allez, on va faire comme Flo. En course d'un jour, pour moi, c'est Paris-Roubaix, évidemment. C'est la course que j'attends chaque année au mois d'avril. Imprévisible. Bon, ça fait longtemps qu'il pleut pas, ça. Je crois que ça fait plus de 15 ans qu'il pleut pas. Carrefour de l'Arbre. Ouais, Carrefour de l'Arbre. J'ai vu sur Twitter que dans la Musette, au vu de la météo dernièrement, espérer, disait que c'était un bon signe pour le 14 avril à Paris-Roubaix, pour avoir la pluie. Ouais, ça serait bien. Ça viendrait bien. Et en grand tour, bah, le Tour de France, c'est trop classique. Ouais, le Giro, c'est avec un beau plateau cette année, un parcours assez intéressant. Thibaut Pinot qui, je pense, a pris une nouvelle dimension avec sa victoire sur le Lombardie, peut nous claquer une très grosse performance. Ouais, le Giro, j'ai envie de le voir cette année. Le petit duel du Moulin Sky, toujours. Ouais, moi, j'aime bien. Bernal, Sky, il y aura un frère Yates, je pense, il y en aura un des deux. Ouais, il y a Simon Yates, voilà. C'est sûr, qui s'aligne. Donc ce sera intéressant. Bernal, du Moulin, ils seront là aussi. Moi, je partirai sur la Flèche Wallonne aussi pour voir Julien Alaphilippe, pour voir ce qu'il va donner. On sait qu'il avait fait deux deuxièmes places trois deuxièmes places, je sais plus, avant d'arriver à gagner face à Valverde. Là, voilà, ça sera la confirmation pour le passage de témoin pour voir ça. Et après, en grand tour, entre le Giro et la Vuelta, qui sont deux courses que je préfère au Tour de France, parce que pour moi, ça bouge plus. On est moins dans l'attentisme. Je sais pas trop sur lequel les deux miser. Plus le Giro avec des parcours toujours. Toujours plus spectaculaire. La Vuelta, c'est un peu chiantique hein, quand même chaque année. Bah moi, je trouve que c'est deux courses plus ouvertes que le Tour de France. Oui, mais ouais, mais c'est, je sais pas, c'est. En fait, c'est fin de saison, tu vois, il y a une ambiance sombre. Jamais trop. Je vais essayer de parler avec Quentin, mais je trouve que c'est une course palpitante, mais comme on dit qu'il peut pas être un objectif de début de saison et ça lui dessert. Si tu te casses la clavicule au mois de juillet, tu vois, bon, tu vas sur la Vuelta. Quoi. Bah alors moi, j'ai ce problème de pas être très original parce que j'avais mis aussi le Tour d'Italie. Surtout, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très important en cyclisme, c'est que c'est en clair à la télé et c'est quelque chose, la visibilité en cyclisme qui est essentielle. Et ça fait deux saisons donc depuis que c'est passé à l'équipe que je la suis globalement en intégralité et je trouve que c'est une course qui est vraiment pour quelqu'un comme moi qui a découvert le cyclisme à travers le Tour de France, c'est vrai que ça rappelle les bonnes vieilles années et c'est vrai que c'est plus ouvert, on a des belles attaques. Il y a deux ans en 2017 avec Pinot, c'était vraiment très très intéressant, je m'étais régalé et voilà, je conseille le Giro. C'était encore sur Bein à l'époque où Kreuzweig, non c'est qui perd le Tour, c'est Kreuzweig qui perd le Giro je crois que c'était il y a 3 ans. Ouais, 3 ans, c'était encore sur Bein, ouais. Mais bon, j'avais suivi aussi, il se passe des choses sur le Giro, on peut pas le nier. Ce sont surtout les deux dernières années, je crois, qui ont été sur l'équipe. Et puis l'année dernière, c'est vrai qu'on a eu une étape mythique avec celle du col du Finestre remportée par Christopher Froome. Et justement, effectivement, pour moi, mes deux courses, on fait pas original, t'as peut-être raison, Corentin, mais peut-être qu'on considère tout simplement que c'est un des grands rendez-vous de l'année. Pour moi, ce sera le Tour d'Italie. Ce sera le Tour d'Italie. Italie pour plusieurs raisons, pour le plateau, pour le caractère spectaculaire, et puis même si ça peut parfois nous déplaire, pour voir justement si Egan Bernal est en mesure d'aller remporter un grand tour. Et je pense qu'au vu de sa polyvalence, de ses capacités en montagne et aussi ses qualités en contre-la-montre, il est capable de le faire et qu'on pourrait avoir une ère Egan Bernal et non pas une ère autour d'une équipe comme le Team Sky. Et ma deuxième course, bah, une qu'on n'a pas citée mais qui fait partie des Ardennaises, mais la plus prestigieuse, bah ouais. C'est Liège-Bastogne-Liège, parce que pour moi ça va être pour Julien Alaphilippe aussi, mais je trouve qu'il a déjà justement remporté la Flèche Wallonne, donc ce serait pas une nouveauté, ce serait pas tant que ça un passage de témoin, alors que s'il parvient à battre Valverde sur Liège-Bastogne-Liège, ça pourrait être un très très grand moment. Et un champion du monde sur la doyenne des classiques face à une pépite du cyclisme mondial, un des meilleurs coureurs français qu'on n'a jamais eu, ça peut être splendide. Très bien, on a terminé sur ce point cyclisme qui était assez long également. On va faire notre deuxième pause musicale. Cher Tom, qu'est-ce que tu as à nous sortir aujourd'hui? Ouais, ça s'appelle Boobs et c'est Saulins, je ne sais pas comment ça se prononce. De retour sur Sport and Chill, c'était le. Tu peux nous rappeler, s'il te plaît, Tom? C'était Boobs, Saulins. Saulins. Très bien, bah on passe. C'est intéressant, tout, ça. Tout de suite à la parole est aux Chillers. La parole est aux Chillers. On va parler de Formule 1 dans la parole aux Chillers. Juste très rapidement pour dire que c'est Valtteri Bottas qui s'est imposé pour le premier GP de l'année en Australie devant son coéquipier, donc Lewis Hamilton, évidemment, multiple fois champion du monde. C'est Max Verstappen qui a pris le podium, hein, donc en troisième place. Et petite déception quand même chez les Ferrari qui sont derrière. Énorme avec, déception. Ouais, avec, surtout pour Vettel, mon pari. Avec Vettel et le monégasque Charles Leclerc. Le premier français, à titre informatif, c'est Pierre Gasly qui est 11e, là aussi une déception. Évidemment, l'autre français, Romain Grosjean. Grosjean, merci, qui abandonnait finalement. Pour une fois, c'était pas sa faute, mais ça peut se parier également. À côté, t'as rien dit. Hein. Guillaume, tu as regardé donc ce premier GP de l'année. Tu as fait l'erreur. Et pourquoi tu as fait l'erreur À 6h du matin, en plus. Alors, c'est peut-être pour ça que mon avis est arrivé sur la table. C'est que... ouais. J'ai claqué sur la table. Ouais, ça se voit pas à la radio. Ouais, c'est pour ça. J'attendais beaucoup de cette nouvelle saison. Alors, on critiquait souvent la F1 ces dernières années pour le manque de... d'intérêt avec une pole position et enfin, celui qui fait la pole il gagne la course, celui qui fait deuxième il finit deuxième, voilà. Mais il y avait pas trop d'intérêt, et puis je me suis dit, tu vois, cette année il va y avoir des changements sur le après c'est technique, hein, c'est sur des distances d'aileron, des dimensions d'aileron, tout ça, sur les pneus aussi, et je trouve que ces innovations en fait elles servent à rien pour servir la Formule 1, enfin pour servir le produit Formule 1. La Formule 1 elle-même, oui, c'est, pourquoi pas, je ne suis pas assez expert techniquement pour savoir ce que ça va apporter. Mais la Formule 1 souffre d'un déficit d'engouement, perd des téléspectateurs quand même. Ça, c'est, il faut pas le nier. Surtout, tu parlais de l'équipe 21 pas l'équipe 21, c'était TF1 avant et maintenant. Tu parlais pour le Giro qui mettait ça gratuitement, mais c'est vrai que là, c'est vraiment. Maintenant, en plus, c'est payant. Ouais. Donc, Canal Plus fait des bonnes audiences, mais c'est quand même en baisse par rapport à TF1, évidemment. Le produit Formule 1 était en difficulté, et puis il n'y a rien qui est fait dans le règlement pour améliorer ça. Alors, cette année, ils ont trafiqué un peu les pneus, ils ont voulu changer le code de couleur pour les pneumatiques les plus tendres et les plus dures. Voilà. Alors pour essayer de simplifier ça pour le grand public, c'est un capharnaüm, c'est encore pire qu'avant. Et maintenant, c'est le pneu C1, C2, C3, enfin, c'est n'importe quoi. Ils ont changé le DRS. Le DRS est un dispositif qui est fait pour, quand on est à moins d'une seconde de la voiture de devant, pour avoir un effet d'aérodynamisme plus puissant et pour pouvoir la dépasser. Ils ont changé ça. Ça n'a pas porté ses fruits sur le Grand Prix d'Australie, qui certes n'a pas des lignes droites de dingue. Il ne faut pas le nier. Donc, c'est à peu près les seuls changements. L'année prochaine, on aura peut-être, on aura même sûrement la fin des couvertures chauffantes pour les pneus quand ils seront changés. Donc ça peut être intéressant pour la stratégie et pour le déroulé de la course. Et ce que je regrette un peu, c'est qu'on est encore dans une Formule 1 où le plus grand intérêt se passe pas sur la piste, mais se passe au stand. Sur la réussite d'un arrêt au stand, là j'ai vu, je me rappelle plus qui c'est, mais je crois que c'est Vettel qui perd sa place parce qu'il fait son ravitaillement une seconde ou deux, même pas, de plus lent que Verstappen. C'est pas la Formule 1 qu'on a envie de voir, qui se passe au stand. La stratégie doit compter, oui, mais c'est pas là qu'on veut voir le plus grand spectacle. Et pour et du coup, appuyer mes propos, ouais, pardon, oui, les innovations que tu souhaiterais ne sont pas assez suffisantes pour permettre du vrai spectacle à la Formule 1, c'est ça en fait? Ouais, c'est en fait, donc c'est ce que je vais dire là, c'est une déclaration d'un cadre de Red Bull Racing, Helmut Marko. Alors il a dit: j'ai pris des nouvelles de l'avancée de notre voiture pour 2019, donc c'était avant la saison, notamment la perte aérodynamique. Je crois que nous pouvons être confiants, blablabla, mais le but de la F1, qui était de favoriser le spectacle avec ça, donc les nouvelles règles, je crains que non. Nos simulations démontrent que rien ne change, les dépassements seront juste aussi difficiles. Alors tout ça ne fait que nous coûter de l'argent. Ah si, ces ailerons avant seront plus faciles à casser. Donc c'est quand même le dirigeant de Red Bull qui le dit, c'est pas que moi, petit amateur de Formule 1. Et moi je pense que un des saluts de la Formule 1, un des saluts, c'est un peu prétentieux. Mais une bonne idée à avoir, c'est, bah, c'était, ça existait il y a quelques années. C'est pour moi primordial d'avoir un double manufacturier sur les pneus pour avoir déjà une stratégie là-dessus. À l'époque, c'était Michelin et Bridgestone et c'était... pour moi, j'adorais ça, avoir deux trains de pneus différents, deux équipementiers différents. Ouais. Et puis aussi la possibilité de pouvoir mettre de l'essence en course pour pouvoir partir avec une voiture peut-être plus légère, que la stratégie soit vraiment plus importante dans la course. Donc voilà, ces règles ont existé, je ne sais pas pourquoi on les a enlevées. Après le changement de moteur, on est passé à des moteurs sans bruit, là, les V6. On essaie de dénaturer la Formule 1. Ça fait des années qu'elle perd de la vitesse. C'est marrant, hein. Ouais, c'est marrant parce que c'est marrant. C'est des voitures, parce qu'elles vont plus vite en fait. Mais elle est en perte de vitesse et je pense que voilà, les nouveaux règlements et la nouvelle absence de règlement pour moi ne fait que endiguer le problème. N'indique pas le problème, pardon. Très rapidement. C'est vrai que c'est assez surprenant, mais on a changé totalement de vision, de stratégie. Finalement, on a essayé plus d'uniformiser la course, de penser ce qui était important, par contre, à rajouter aussi de la sécurisation, tant pour les voitures que pour les pilotes. Et en définitive, au niveau de la course, pour le moment en tout cas, ça reste à démontrer tout au long de la saison, c'est le contraire qui se passe. Je veux dire, on pense que... D'année en année. Sur le papier, ouais, d'année en année, ça s'est confirmé quand même. On pense que avec ces choix, avec cette législation, on va permettre de créer plus d'engouement, parce que tout simplement, on va créer... plus d'équilibre finalement entre les pilotes sur justement les monoplaces qu'ils ont à disposition, sur la manière justement de courir sur la piste, et plein d'éléments justement techniques, hein, comme Guillaume nous a cité, liés à la question justement des trains de pneus mis en place, liés aux ailerons, etc. Et en définitive, on uniformise tout et c'est la simple performance du constructeur qui semble faire la différence. Et c'est vrai que du coup, ça va plus loin que ça. On a l'impression que effectivement, saison après saison, pour le moment, tant que une autre écurie sera pas en mesure de prendre de faire la différence. Avant la course sera fait, et même on a l'impression que si tu cours chez Mercedes, à l'image de Bottas, même si je veux pas minimiser sa victoire qui est une belle victoire ce week-end, t'as un avantage comparatif énorme par rapport aux autres. Et ça, c'est assez compliqué, quoi. Merci, on va pas pouvoir réagir plus là-dessus, puisqu'on va être un tout petit peu en retard, mais on va passer tout de suite à ce que vous attendez, la chronique quiz. Sport and chill, le quiz. Je voulais conclure par une blague, mais je l'ai même pas fait. Je dis c'était le SOS d'un homme en détresse. D'un homme en feu de détresse, même. Oh oui. Oh là là. Non, mais se lever à 6h pour voir ça. Alors, on va faire notre quiz. On va voir notre petite musique qui fait peur. Sur les classicos. Les classiques dans le foot. Parce qu'on aurait pu faire les classiques dans d'autres sports, mais j'ai voulu rester sur le foot. Parce qu'il y en a déjà pas mal. Attention, des classiques, c'est pas forcément des derbies. Hein, mais des derbies, ça peut être des classiques. Voilà, je vous ai tous perdus. Première question, c'est une question rapidité. Et question très simple pour cette première. Classico espagnol. Je vais vous demander quelles sont les deux équipes du Classico des Classicos. Buenos Aires, c'est River Plate et du coup Real Barça. Non mais non, c'est le Super Classico ça. Les New Wales Old Boys. Non. Mais en effet, vous êtes dans cette partie. Ce continent. Tigresse. C'est au Mexique. Est-ce que c'est au Mexique? C'est au Mexique, ouais. Ben c'est Chivas America. Chivas Club America. Ouais. Ah, Chivas, Chivas de Guadalajara. De Guadalajara contre le Club America. Ouais. Il allait le chercher. Point pour Romain. Qui suis-je, rapidité? Né le 18 janvier 1993 à Medellin. Je suis un footballeur qui a marqué. Javier Hernandez. Un classico et notamment. James. L'un des plus connus des classicos. J'ai commencé à Envigado en Colombie, puis en 2012 j'ai commencé mon aventure européenne à Pescara, avant d'arriver dans le club européen qui accueille sûrement le plus de Sud-Américains. Avec ce club du sud de l'Europe, je suis prêté à 3 reprises, dont une fois en France, dans un club qui s'est incliné cette semaine. Quintero. Juan Quintero. Mon aventure européenne n'a pas été un franc succès et je pars en Argentine dans le club qui s'imposera en finale de Copa Libertadores l'année dernière contre l'ennemi historique, le Boca Junior. Je suis l'un des buteurs de cette finale. Je suis Juan Quintero, ancien rennais, et qui a marqué donc au Super Classico entre le Boca Junior et River Plate. Point pour Romain, qui enchaîne pour l'instant. On va faire un tour de table et on va parler du Fla-Flu. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est le Fla-Flu? Flamengo Fluminense. C'est Flamengo contre Fluminense au Brésil, qui est un classique et un derby aussi, donc pour le Brésil de la ville de Rio. Il possède d'ailleurs le record de la plus grande influence d'un match de foot interclub. Combien de spectateurs? Il y a eu un Fla-Flu donc un jour qui s'est soldé au Maracana forcément. Ouais. Vous avez le stade. On va commencer avec d'ailleurs Romain qui a gagné déjà ses 2 points. Quelle était cette affluence? Donc le plus proche gagnera le point. Entre un Flamengo Fluminense au Brésil. Ça peut être énorme. Au Maracana, en effet. Je vais dire. J'hésite un peu. Je vais dire 158 000. 158 000 spectateurs. Corentin. J'étais parti sur 125 000. 125 000. 118 000. 118 000. Guillaume. 126 000. Romain est le plus proche. C'était 194 000. Ouais, avec les 3 spectateurs. À l'époque, le Maracana, c'était. Ouais, non, mais ça me paraissait. C'est le plus gros interclub. Et au niveau. C'est aussi Maracana au niveau des pays. Je crois que c'est à peine plus. Avec le Brésil contre le Mexique. Il n'y avait pas de place assise à l'époque. Voilà. Romain qui enchaîne. On ne veut pas lâcher là. Rapidité. On va parler du Der Klassiker entre le Dortmund et le Bayern. On ne peut pas parler de ce match sans parler de la Ligue des Champions, la finale 2013 entre le Borussia et le Bayern et la victoire des Bavarois 2-1 dans la composition des deux équipes. Si l'on compte aussi les remplaçants rentrants, trouvez-moi les 3 joueurs qui jouent actuellement en Ligue 1. En Ligue 1 ? Diego Contento. Non. Ah, il joue plus à Bordeaux. Il est parti. Et il jouait pas d'ailleurs. En Ligue 1. Ils ont joué cette finale et il y en a 3 actuellement qui jouent en Ligue 1. Alors il y en a 2 au Bayern. Subotic déjà. Subotic. Ah, Subotic. À Saint-Etienne. En effet. Bernat. Bernat. Ah ouais. Non, il est encore en Espagne. J'ai cru. Et Jules prend un point. Les 2 autres sont du Bayern. Ils jouent maintenant dans 2 clubs du Sud. Sont dans 2 clubs différents. Luis Gustavo. Et Dante. Luis Gustavo et Dante, en effet. Nice. Luis Gustavo et Dante. On va parler du classique en France. Classique de Ligue 1. Classique de Ligue 1. On va parler de celui du 5 mars 2006. Qui a marqué en quelque sorte l'histoire de ce classique. Mais de quelle manière? Ils avaient joué avec la réserve, les Minots. Ouais. Marseille. 0-0. Exactement. Afin de lutter contre les mesures de sécurité du Parc des Princes et le non-respect des quotas des places, le président de l'OM, Pape Diouf, décide d'envoyer à Paris une équipe de remplaçants et de joueurs issus de la CFA, ainsi les Minots, comme on les appelle, de Cédric Carasso, Renato Civelli, Gary Boccali, ou aussi Mame Ndiaye et Amine Denoun réalisent l'exploit de repartir de la capitale avec le point du match nul 0-0. Oh, Gary Boccali. Champion de France. Il joue à La Réunion, je l'ai vu en Coupe de France sur France O. Il est parti à La Réunion, il a joué contre un club de métropole. Et après, il n'y a que moi qui regarde. À La Réunion, on l'a voulu. Il s'était lancé dans une entreprise de France. Une autre question sur le classique. Et on fait un tour de table. On le sait, ça fait un petit moment que l'OM n'a pas gagné dans le classique contre le PSG. Donnez-moi la date. 27 novembre 2011. Mais c'est tour de table. C'était tour de table. Moi, j'avais la date. Ah, j'ai pas entendu. Pardon. Donc aucun point. Ouais, pardon. L'OM n'a pas gagné. Ouais, moi aussi. 2011, mais. L'OM n'a pas gagné depuis le 27 novembre 2011 contre Paris. J'étais pas concentré. Et la victoire 3-0 des Olympiens. Ça commence à faire beaucoup, 8 ans. Classico en Espagne. Si je vous dis rapidité, si je vous dis Manolo Sanchi, qu'est fait-il d'important dans ce classico? Est-ce que Tom, alors tu peux là nous remettre une petite musique record de but? Manolo Sanchi. Non, c'est Messi. Ah oui, c'est Messi. C'est Messi. je sais même le nombre. Mais c'est dans l'idée, hein. C'est tout simple. Record de passes décisives. Non. Non, c'est le nombre de buts sur le même match de classico. Match joué. Oui, match joué. Le plus de classico joué. Avec le Real et 43 matchs. À 43, ouais. C'est commence à faire beaucoup. Donc, point pour Guillaume, mais une deuxième petite question sur le classico, sur ce nombre de matchs joués. Quel joueur encore actif compte le plus de classico joués à son actif? Sergio Ramos? Non, 42 matchs, seulement un sans moins. Non. Marcelo Messi. Encore actif. Iniesta? Encore actif, mais qui ne joue plus dans l'Inter. Ah, d'accord. Xavi à la retraite. Iniesta? Non, Xavi, qui n'est pas à la retraite. Non, il joue au Qatar. Encore, encore, encore. Qui c'est qui a dit? C'est avec toi, Guillaume? Non, c'est Guillaume qui dit Xavi. Iniesta est juste après, je crois. Ouais. Derby of England, Manchester United, Liverpool, qui est un classique en Angleterre. Aïe aïe aïe. Tour de table. J'ai pas pris les points. Tour de table, Guillaume. Ouais. Les transferts entre les deux clubs sont maintenant interdits dans les contrats quand vous signez chez l'un ou l'autre. Mais il y a eu déjà des transferts entre les deux clubs. En quelle année a eu lieu le dernier transfert direct? Direct. Direct. Parce qu'il y a eu évidemment comme Michael Owen qui a fait le dernier transfert direct entre les deux. On va commencer avec Corentin. 1989. 1989. Jules. 86. 86. Guillaume. 97. 97. Romain. Au milieu des années 90, je vais dire 93. Qui c'est qui avait le plus bas? 89, moi. T'étais encore plus bas. Ouais. 86, je vais dire. Point pour Jules, c'était en 1964. Oh. Oh. Phil Chisnall de Manchester à Liverpool. Et dans l'histoire, entre les deux clubs, il n'y a que 8 transferts directs. C'est incroyable, hein. C'est beau. Point pour Jules, qui double. Ça a été plus fréquent entre le Real et le Barça. Quelle est rapidité. Quel est l'autre match qui porte la dénomination française du classique? Lyon-Saint-Etienne? Non. On l'appelle le classique. Lyon-Marseille? Non. Non, bah non, non. Le classique. Lille-Lens? Non. Metz-Strasbourg? Ça s'appelle un classique. Il y en a Reims-Strasbourg? Non. Montpellier. Nancy-Strasbourg? Ce n'est pas en France. Ah, c'est pas en France. J'ai jamais dit que c'était en France. J'ai dit que ça avait dénomination française. Montréal. En direct, non, Standard de Liège. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Ouais, bien vu. Anderlecht, Standard de Liège. Bien tenté. Hein. Ouais. Ah, bien joué. En 2015, il avait pris une autre dimension, ce classique, en Belgique, avec une banderole qui a fait énormément parler. Ah, c'était quoi? C'était Defour. C'était non, c'est ça? En effet. Steven Defour, qui avait fait le passage d'un club à un autre, non, du il coup. Il y avait une banderole des supporters. Il y avait une banderole des supporters avec où il était décapité. Ouais. Où il avait écrit Red or Dead, rouge ou mort. L'action coïncide notamment avec la décapitation de la veille d'un ressortissant japonais par l'État islamique, alors que le Standard compte deux joueurs nippons, largement suivis par la presse japonaise. À la suite de ces polémiques suscitées, les responsables de la confection du tifo indiquent à l'ouvrage que ce tifo a été envisagé en novembre 2014, impliquant que c'était l'actualité qui nous a rattrapés et non l'inverse. Oui, enfin, même sans actualité, c'est limite. Hein. Ouais, c'est limite. On dirait pas, mais dans le football belge, il s'en passe des choses. Hein. Rapidité. Quel est ce classique quand je vous dis Marco Tardelli, Roberto Baggio, Christian Vieri, Inter, Edgar Milan, Delitz, Andrea Juventus. Pirlo, Torino Juventus, ouais. Cannavaro, bon. Parme Juventus, Ibrahimovic, Juve Naples, Vieira, non. Grosso, Bonucci, Lucio, Felipe Melo et le dernier Hernanes. Moi j'ai dit Inter Milan AC, mais. Ah ouais, mais toi t'as dit Juventus Milan. Ah bon, j'ai dit Juventus Milan? Ouais. Mais alors, moi, techniquement, je peux le compter. Tu veux dire le derby de la Madonnina? Moi j'étais sur Inter Milan. Je peux le compter, mais pour moi, Milan c'est la Milan AC et c'est pas Inter. Ah non, mais c'était Juventus Inter Milan. Y'a personne qui a dit Juventus? Non, personne ne l'a dit. On a été bon. Ouais, c'est le derby d'Italie. Ouais. J'avais une question là-dessus, malheureusement, j'ai oublié de faire la question. On s'est mélangé les pinceaux. Il y a un classique, c'est deux têtes hein, que je la fais, où il y a un célèbre entraîneur de première ligue qui a fait ces deux, qui a joué dans ces deux clubs. Il y a un entraîneur de première ligue qui a entraîné à Everton. Roberto Martinez. Et à Liverpool. Qui a entraîné à Everton, je crois, ou à Southampton aussi, et qui a fait un classique. Ouais, je vais avoir du mal à. Et en plus, Romain m'aide pas, en plus, il me regarde avec. J'ai du mal à suivre. Mais parce que j'ai pas fait la question. Je sais bien, c'est pas une critique. Ronald Koeman, c'est lui que je parle depuis tout à l'heure, à jouer dans un classique dans les deux clubs. Lequel? Quel est ce classique? Quel est le Real Barça? Real Barça? Non. Ajax PSV? Non. Ajax Feyenoord Rotterdam. Ajax Feyenoord. Point pour Guillaume. Ah, compliqué. On avait il a joué dans ces deux clubs. Ajax et Feyenoord. J'ai tardé à parler. Okay. J'avais le bon championnat. Rapidité. Quel est ce classique où les deux clubs possèdent tous les deux Ligue des Champions à leur actif et possèdent 23 des 26 derniers titres de leur pays? Benfica Porto. Oui. Ouais. Benfica Porto. Au Classico. C'est un match entre la capitale du pays et la capitale de province. L'un des deux est toujours en Ligue des Champions et affrontera Liverpool. Au Classico. Pas bon, pas bon. Le vieux classique, c'est entre Bordeaux et l'OM. Je sais pas si vous le savez. Ouf. Wow. Cette confrontation. Yacine avait trouvé Keman, hein. Je ferais dire. Je suis en train de parler avec lui. Cette confrontation, tour de table, se remarque surtout par le fait que les Girondins sont invaincus à domicile depuis un petit moment contre l'Olympique de Marseille. Quelle année? Depuis quelle année Marseille n'est pas à gagner à Bordeaux? Guillaume, tu commences? 1977. Pour toi? 83. 83. Corentin? 84. 84. Romain? C'est par là. 81. Sûr de soi, Guillaume. Ouais. Cette fois-ci, il n'a pas fait l'erreur. Je voulais pas lui piquer pour 1977. C'est vrai que t'avais l'air bien convaincu. Ouais, t'es trop convaincu, t'aurais dû le suivre. Oui, ouais. Je me suis dit, oh putain, je suis sûr de moi. Tu l'as dit trop sereinement. Ouais, mais je me suis dit, c'est un bon joueur. Il reste deux questions. Allez, trois points à prendre, du coup. Donc, dont une question à deux points. Sur le classico espagnol. Rapidité, ça devrait être rapide celle-là. Le 29 novembre 2010, c'est bien évidemment la Manita 5-0. Merci beaucoup. Qui a infligé le Barça au Real. Hein, je suis désolé. Les journalistes ont surnommé la Super Manita. Pourquoi? 5 joueurs. 5 buteurs différents? Non. Est-ce que ça faisait deux fois d'affilée? Non. Parce que c'était à l'extérieur? Parce que c'était à Bernabéu, je sais pas. Non, c'était au Camp Nou. En plus, c'était au Camp Nou celui-là. J'oublie moi ce type de match. Hein. Juliette, pas loin, techniquement. Super Manita. Est-ce que c'était la première fois qu'il y avait un 5-0 pour le Barça contre le Real? Non, justement. C'était la cinquième. Ouais. C'était la cinquième fois. Mmh, ça se tient. C'était la cinquième Manita pour le Barça contre le Real. Le Real, je crois qu'on a fait, on a mis deux contre le Barça. Qui c'est qui avait pris le point? C'est Guillaume. C'est Guillaume, il l'a dit avant moi, mais j'étais dessus et tant que je parle. Et dernière question sur le Classico à deux points. Romain et Guillaume sont toujours en course, je pense. Jules pourrait choper la deuxième place. Tu dois être devant. Hein. Corentin, malheureusement, c'est compliqué, pourrait choper aussi peut-être la troisième place. Ce match, d'ailleurs, 29 novembre 2010, on va faire un tour de table. Je veux les 22 acteurs, les remplaçants, rentrants et les deux entraîneurs. Il faut tous les dire ? On va faire un tour de table et le premier qui n'a pas bon est éliminé. Donc il y a techniquement 6 plus 22, donc 28. Il y a 30 personnes à citer, normalement. S'il y a toutes les. Ouais, il y a tous les remplaçants. Ah non, il n'y en a que 2 remplaçants au Real. Donc il y en a 29 à citer. Romain. C'est les remplaçants qui sont rentrés. Ah, c'était piégeux ça, parce que moi j'étais pas. Romain. Messi. Léo Messi, oui. Corentin. Piqué. Piqué, oui. Sergio Ramos, oui. Pep Guardiola, oui. Entraîneur, évidemment. Xavi, oui. Iniesta, oui. Marcelo, oui. Cristiano Ronaldo. CR7, évidemment. CR9 à l'époque. Romain. Serge Busquets. Busquets, oui. Puyol, oui. Capitaine du Barça. Casillas, oui. Capitaine du Real Madrid. Victor Valdés, oui. Goal. Arbeloa, rentré à la 60e à la place de Marcelo. Oui. Ouf. J'ai envie de tester un truc caca. Non. Ah. Éliminé. J'aurais dû jouer simple peut-être. David Villa, oui. D'ailleurs auteur d'un doublé si je me trompe pas. Benzema. Benzema, oui. Pedro, oui. Ah non, Corentin, désolé. Là, ça devient dur, là. Jordi Alba. Éliminé. Il arrive en 2012. Daniel Alves, oui. Xabi Alonso, oui. Ça se joue entre vous deux. Mourinho, oui. Il reste encore quand même certains madrilènes. Hein. Adebayor. Est-ce que c'était là où il était? Je suis pas sûr en fait. T'as tenté quand même le diable. Hein. Ouais, là, ouais. Non, je tentais dur. Un milieu Madrid. Guillaume, si tu t'as bon, tu marques les deux points. J'aurais dû prendre mon temps. Parce qu'en plus j'en avais peut-être d'autres. Enfin, je dis peut-être, je ne sais plus. Si t'arrives à prendre le point. Le dernier qui me vient, c'est Gonzalo Higuain. Non. Romain, tu es remis en jeu. Qui c'est qui a fait à cette époque-là? Alors, il en reste au Real 1, 2, 3, 4, 5 et un remplaçant, 6. Au Barça, il en reste un remplaçant, deux remplaçants et un titulaire, 3. Vous voulez que je vous aide? Il reste un défenseur au Barça. Il reste deux défenseurs. Là, je vais bien vous aider. Les deux centraux au Real. C'est bon. Il reste des milieux au Real. Et des connus qui jouent encore. On n'a pas dit Pépé, si, on l'a dit. Non, on l'a pas dit. Est-ce que tu dis Pépé? En fait, je ne suis pas du tout sûr. Moi, c'est celui que j'ai. Allez, dépêchez-vous, là. Ouais, Pépé, oui. Du coup. Eric Abidal. Oui. Ah, oui, pour le Barça. On va jamais s'en sortir. C'était qui l'autre? Allez. Les milieux au Real, merde. Je vous donne 10 secondes chacun. Oh putain. C'était pas cette époque. J'allais dire si vous en avez un, mais. Guillaume a l'air d'en avoir trouvé un. Allez, 5 secondes. Il était plus là. Les Hollandais, ils étaient partis. Ils étaient tous partis. Guillaume, ils étaient tous partis. Tu peux conclure. La Sanadjara. Il est rentré, 46. Oh yes. C'est bien joué ça. Il restait, alors au Barça, rentré, Refren à la 87ème, ouais, ouais. Tout comme Keita. Real Madrid, il restait Ozil, Di Maria, Carvalho et Khedira. Oh, mais en plus, c'est victoire de Guillaume sur ce quiz. On va pas tarder parce qu'il nous reste peu de temps. Victoire de Guillaume et Romain juste après. Un petit 3 points juste pour la première. Ça passe. C'est pas le crème. Après, permettez-moi d'oublier ce match quand même. Hein. Tout comme quand. C'est pas un de mes plus grands souvenirs. Agenda de la semaine. C'est très rapide au tennis. C'est Miami, donc le tournoi de Miami. Chez les femmes et chez les hommes. Forfait de Nadal à noter chez les hommes. Au rugby, j'ai noté quelques grosses affiches en top 14. Samedi, le Loup reçoit le RCT. Donc c'est surtout pour les playoffs. Le Stade français reçoit le Castres olympique. Dimanche, Racing UBB, donc contre Bordeaux-Bègles. Stade Rochelet recevra le Stade toulousain. Je continue avec toujours cette petite musique angoissante. La NBA. L'agenda est angoissant. La NBA mardi, un petit Boston Celtics, Denver Nuggets, un Thunder Heat, un Spurs, Golden State. Mercredi, un Hornets Sixers, un Clippers Pacers notamment. Jeudi, un Spurs contre les Heat Miami aussi, toujours. Thunder contre les Raptors. Et allez, samedi, je vous donne également Raptors Thunder, le retour. Rockets contre les Suns, les Bucks contre les Heat et. Les Hornets contre les Celtics. Voici un peu un beau petit programme hein, en NBA. Romain, est-ce que tu as des derniers sports d'hiver ou autres oui, sports peut-être oui. à nous dire? Bah, j'ai cherché à avoir plus d'autres sports et au final il reste plus de sports d'hiver sur cette semaine en tout cas spécifiquement. Démarré aujourd'hui les championnats du monde de patinage artistique à Saitama au Japon du 18 au 24 mars. En biathlon on aura la dernière manche de la Coupe du Monde 2019 hommes et femmes qui est démarrée à partir de ce jour pour l'arrivée en Norvège à Oslo Holmenkollen jusqu'à dimanche mais sans Martin Fourcade, il faut le préciser qui a terminé sa saison. En ski acrobatique, je je le donne parce que c'est la Coupe du Monde Hommes et Femmes à Tignes, donc en France les 20 et 21 mars. En ski de fond, enfin, pour les sports d'hiver, ce sera les finales du côté de Québec au Canada le week-end, donc vendredi, samedi et dimanche, 22, 23 et 24 mars pour les hommes et les femmes. Enfin, en autre sport, je reviens tout simplement sur le cyclisme, parce qu'ensuite c'était des événements d'une moindre importance, si j'en ai pas oublié, avec la fin de Tirreno-Adriatico déjà demain, il faut le dire en clair sur l'équipe comme l'a précisé Corentin, et ensuite bien sûr semaine italienne, donc le clou du spectacle, le premier grand monument de la saison, Milan-San Remo samedi. Il enjolive toujours ses phrases en romain. Football pour Guillaume pour terminer. Ouais, trêve internationale, tous en joie, ouais. Avec oula, le micro qui chaque fois ça me l'a fait. La France qui joue vendredi en Moldavie, wow. Vendredi ouais, c'est génial. Vendredi on a quoi? On a Angleterre, République Tchèque aussi, Belgique, Russie, Portugal, Ukraine et samedi Espagne, Norvège, Italie, Finlande et dimanche Pays-Bas, Allemagne. Gros match. Kurzawa contre la Moldavie, c'est bien. Sport Montpellier, mercredi MHB Ivry, samedi plusieurs matchs. Pau MHR en rugby, Montpellier Waterpolo Tourcoing en Waterpolo tout simplement. MMF Futsal recevra Toulon en 8e de Coupe de France. Le volley recevra Ajaccio. Et le MHSC féminin recevra Guingamp. Et dimanche, juste un match. Et le Belémar recevra Saint-Amand, les eaux. Les petits tips de la semaine, pardon. Cher Corentin. Pour les tips, malheureusement, je me suis rendu compte que c'était la trêve internationale. Donc, on va faire sur les matchs internationaux. Autriche-Pologne, j'ai mis nul parce qu'il y a un gros embouteillage devant. Ça va être intéressant à voir en Pologne. Piatek, Milik, Lewandowski, ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Ça va faire nul. Luxembourg-Lituanie, je vois bien la Luxembourg gagner. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi ils sont assez bons en ce moment. Mais il a raison. Oui. Suède-Roumanie, je vois bien la Suède gagner hein, en ce moment ils sont pas mauvais non plus. Pays-Bas-Allemagne, on en a parlé la semaine dernière, les Pays-Bas ça va mieux, mais bon, pas au point de gagner l'Allemagne. Meilleur défenseur du monde quand même. Donc match nul. Et pour finir, Kosovo-Bulgarie, il faut voir que la Kosovo a des super résultats, donc les petites victoires de Kosovo. Et voilà, c'est okay. Fini. Merci pour ces tips. On sent l'expertise. Donc merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés ce soir. J'espère que ça vous a plu. Merci Tom à la technique. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, évidemment, sur tous les réseaux sociaux. Émission suivante, c'est le live de Horus et Luigi Caligo. Tout de suite après donc, notre émission. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va finir avec le son de la semaine. Julien Alaphilippe qui s'impose sur la Strade Bianche parce que c'était la semaine d'avant, mais j'ai voulu la remettre parce que c'était une belle victoire. Sa plus belle victoire cette saison pour le moment. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va parler de rugby à 13. Allez, salut et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On va voir. Attention, voilà, on est dans la dernière partie. Allez, Julien Alaphilippe qui va. Julien Alaphilippe qui va peut-être aller chercher cette victoire. Julien Alaphilippe qui a pris quelques mètres d'avance. Oui, c'est bien parti pour le Français. Julien Alaphilippe. Fugelsang est toujours là. Julien Alaphilippe qui se retourne une dernière fois pour lancer ce sprint. On est maintenant dans les portions descendantes après cette. Pas encore descendant. Ça va être le cas dans quelques instants. Voilà, ça descend maintenant. Julien Alaphilippe qui prend le dernier virage. Il ne peut plus se faire remonter. Il va s'imposer pour la première fois. Un Français va remporter l'Estrade Bianche. Il va s'imposer dans cette épreuve qui n'avait pas réussi l'an passé. On s'en souvient. À Romain Bardet. Victoire de Julien Alaphilippe devant Jakob Fugelsang. C'est donc le verdict d'Estrade Bianche ici sur la piade.